Des radios. Veillez et priez. Une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, ambisez nous, mon badilike. Oui, n'ayez et bibibio, oh, sonnibwe. Oh, sinamehegi, tchajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Oui, n'ayez et bibibio, oh, sonnibwe. Oh, sinamehegi, tchajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Bonjour, les dames. Et bienvenue. On va prier, d'accord? Tant de Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu vas faire et pour toutes les délivrances et les guérisons que tu accordes, pour toutes les portes que tu vas toujours ouvrir dans leur vie. Maintenant, nous réunissons autour de ta parole, Père, et nous prions, Père, que tu nous donnes ta parole pour aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pensez quoi de tout ce que vous avez vu et entendu? On a vu là, ça fait peur. Pour moi, ça me fait un peu peur. Mmh. Mmh. Mais tu m'avais dit que tu priais. Oui, j'ai prié. Tu pries comment? Je vais à l'église le dimanche avec les enfants. Oui. Et en semaine, bon, pas tous les jours. Mmh. Il y a des temps, je peux plutôt faire une événement. Mmh. Oui, accompagné parfois d'un jeune. Mmh. Mmh. Il y avait des moments où aussi je priais le soir avec les enfants, mais il y a aussi des moments où on ne fait rien du tout. Tu pries donc comment? Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Quand je prie, j'utilise la Bible généralement. Oui. Je lis, je suis avec les enfants. Oui. Continue. on prend un passage de la Bible qu'on va essayer de lire et puis on va méditer dessus. Ça, c'est quand je suis avec les enfants. C'est pas le temps quand je suis avec les enfants. On prend un passage, on lit et on médite dessus. Mmh. Oh, mais quand je suis seule, je fais juste le rosaire. Oui. Mmh. Le rosaire, non? Mmh. Dis-moi, qu'est-ce qu'on appelle le rosaire, maman? C'est quelque chose qui est rose. Mmh. C'est quelque chose qui est rose qu'on appelle rosaire. Ça dit quoi? Rosaire, c'est juste le chapelet, c'est prière, mmh, le chapelet. Donne un exemple que vous voyez pris, soit sur qu'on a déjà parlé de la même chose. Un exemple. Oui, donne un exemple, l'exemple de rosaire, comment tu fais? Comment j'ai pris le rosaire? Oui. Bon, je prends généralement mon chapelet et puis je commence par le Je crois en Dieu. Oui. Après le Je crois en Dieu, je fais le Notre Père et puis à trois, je vous salue Marie et puis à nouveau, il y a. La glorification et puis à nouveau notre Père. Oui. Ah, c'est la première partie. Puis la seconde partie, je fais 10, je vous salue Marie, un gloire au Père. Mm. Et puis on recommence avec notre Père qui est au-dessus. Oui. 10, je vous salue Marie, une glorification. Et puis on recommence encore avec notre Père qui est au-dessus. 10, je vous salue Marie, et une glorification. Bon, on va faire un exemple. On va faire un exemple. Oui. Sans toi libre, à l'aise, d'accord? Oui. Fais-le comme tu fais, comme si tu le faisais normalement. Comme si je le faisais normalement. On passe à l'œuf. Si c'est quand on fait les reconstitutions, quand les policiers font les enquêtes, on prend le bandit, on reconstitue les faits. Oui. On veut sur les télévisions, ils sont montés sur le mur comme ça. J'ai pris telle chose, oui. Allons-y. Ok. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parle fort. Hein. Quand tu parles fort, parce que tu veux entendre vraiment bien. Mm-hmm. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mm-hmm. Après le « Je crois en Dieu », je fais notre Père. Notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Comme ça, 10 fois. Non, je m'arrête là et puis je recommence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dis-nous tout ma Seigneur Jésus, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, si je vais le faire 10 fois. Mmh. Et à la fin de Je vous salue Marie, je fais le gloire au Père, mmh, au Fils, au Saint-Esprit, et je recommence avec le Notre Père. Mmh. Un autre Père, dis je vous salue Marie, un gloire à Dieu. Et le je vous salue Marie, je fais ça 5 fois. Oh. Mmh. Maintenant, quand tu fais comme ça, mmh, supposons par exemple, parce que tu as dit, ça c'est quand tu es seul avec les enfants. Ça c'est quand je suis seul. Mmh. En famille, vous ne priez pas comme ça? Non. Bon, Si quand tu as comme ça, tu as un problème sur le cœur, quand tu fais tout cela, après avoir fini ce que tu as l'arrestation que tu as de faire, est-ce que le problème est résolu? Non. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse ce que c'est que la prière. Parce que supposons que tu as le problème dans ton foyer. Mm-hmm. C'est ça que tu vas faire. Mm-hmm. Tu as le problème avec ton patron. Mm-hmm. C'est ça que tu dois faire. Mm-hmm. Tu as le problème avec ta soeur. C'est ça que tu fais. Oui. Tu as des enfants. Supposons que l'enfant vient le matin et te dit, ma maman à l'école, on leur a dit qu'il faut acheter un livre. Il vient se tient devant toi et dit, maman, il te salue. Tu es une belle mère. Tu me merci pour la nourriture que tu me fais chaque jour ici dans la maison aussi. Après qu'il est sort, il rentre encore. Il dit, maman, tu es vraiment une belle mère. Merci pour la nourriture, je ne peux pas acheter. Tu es une très belle femme. Il n'y a pas de maman comme toi sur cette terre. Après un coup, il rentre. Il dit, maman, tu es une belle mère. Le problème de cahier est résolu. Est-ce que le problème du livre qu'on lui demande d'acheter à l'école est résolu? Non. Quand l'enfant vient au devant de toi, qu'est-ce que son enfant est censé dire par exemple? Qu'il a besoin de cahier, qu'à l'école on demande le cahier. Voilà, à l'école on demande le cahier. Si demain, il a besoin peut-être d'une culotte qu'il a vue au marché, quand il vient devant toi, qu'est-ce qu'il doit dire? Tu veux la culotte. Tu vas un peu, n'est-ce pas? Quand il parle doucement, et après ces gens, tu comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible, parce que ce qui m'a étonné, c'est que tu as dit que vous prenez la Bible, vous méditez dessus. Quand vous lisez la Bible, on va prendre le Matthieu. Alors, aspect, mon cher. Frère, tu essaies d'ouvrir le Matthieu, chapitre 6. On va lire. Le Notre Père a été donné dans la Bible. Tu vois, Matthieu, chapitre 6. Je voulais vous expliquer quelque chose parce que j'ai rencontré les mêmes problèmes partout dans le monde entier. Ok. Chapitre 6. À partir du verset 7. Toi-même lis à haute voix. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Toi-même dis-moi, c'est là où ça commence. Qu'est-ce que tu as à ton avis? Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Non, il dit souvent que la façon dont j'utilise, je prie mal, quoi. Voilà. Et le vrai problème, c'est que tu n'es pas seul dans ces cas-là. Parce que quand tu pries, elle limitée, c'est parce qu'apparemment, tu connais cette prière-là. Oui. Bon, maintenant, ça suppose que si elle a le problème avec son patron, et toi, tu as le problème avec ton mari, vous êtes en train de prier comme ça, vous faites la même prière. Est-ce que si on donne le paracétamol pour les orteils, le même paracétamol guérit aussi les oreilles? Il y a le même remède pour beaucoup d'autres choses. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la Bible, c'est ce qui est dans le dessus. Maintenant, après ça, Jésus va dire ce qu'il faut faire. Allons-y. Ne leur ressemblez pas, car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, avant, ça veut dire que, regarde bien encore une fois, parce que la façon dont il dit que ne leur ressemblez pas. Donc, ne faites pas comme ça. C'est juste qu'il parle. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, on a besoin. Regarde bien le mot. On a besoin de quelque chose. On doit avoir besoin de quelque chose avant qu'on ne lui demande. C'est-à-dire que c'est le besoin. Avant qu'on ne lui demande. Maintenant, ça pose un problème ici, encore une fois de plus. Parce que dans les séries de récitations que tu as faites, en réalité, on n'a pas senti le besoin. Comme quand l'exemple de l'enfant dont j'ai pris tout à l'heure. Là. Quand l'enfant vient et te dit, maman, tu es une très belle matière, tu ne peux pas le coquille. Et quand tu parles de lui, ça me tue seulement. Après, il dit, sort. Il n'a pas posé le besoin. Ouais. Donc, l'enfant doit venir vers toi. Le besoin qu'il a, c'est que maman, aujourd'hui, la maîtresse a dit qu'on me donne, qu'on achète un livre. Il a posé le besoin. Maintenant, tu vas chercher à résoudre ce problème qu'il a posé. Demain, s'il vient qu'il a un problème, par exemple, avec sa camarade de classe, et on a dit que les parents viennent à l'école, il vient te poser ce problème-là. Là, tu es censé aller à l'école parce qu'il a posé le problème. Jésus dit ici, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que ne le lui demandez. Regarde bien ce que la phrase dit. Il dit que vous lui demandez. On lui demande un besoin. Tu vois cela? C'est ça, non? Maintenant, le verset suivant, le verset 9, dit, commence par dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu as vu le verset 11 là, non? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Depuis le matin, vous avez mangé. Tu as mangé quoi? Le riz. Bon, ça veut dire normalement, tu vas dire, donne-nous aujourd'hui notre riz quotidien. On t'a dit quoi? Toi, tu as mangé aussi? Oui. Toi, tu as mangé aussi? Toi, tu as mangé quoi? Les beignets. Les beignets. Toi, tu as mangé? Les beignets. Les beignets. Donc, vous avez fait même prière, alors. Ne vous connaissant pas, vous l'un et l'autre, tu as mangé le béni de ton côté, il a mangé le béni de son côté. Mais quand vous faisiez ces prières, si vous l'avez fait, quand vous faisiez, vous avez dit que donne aujourd'hui notre. Ce que son dit, c'est qu'en réalité, il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire. Mm-hmm. Parce que si tu te lèves le matin, tu es devant la nourriture, peut-être tu as mangé le riz, tu te mets là, tu fermes les yeux, tu dis que tu veux prier avant de manger pour rendre grâce à Dieu. Puis il dit que notre Père qui aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Normalement, tu dois t'arrêter pour comprendre que quelque chose ne va pas. Parce que là, tu es devant le riz. Tu vois, quand tu es devant le riz, tu dois le remercier de t'avoir donné le riz. Mm-hmm. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas avec nous, avec le Dieu, avec Dieu, n'est-ce pas, ma chère? Donc, tu es devant le riz. Le riz est là. C'est déjà devant toi. Ou bien, tel que nous le disons que ce soit, c'est devant toi. Mm-hmm. Tu te mets là, tu dis que donne-nous aujourd'hui notre pain de quotidien. Donne le pain de séjour. Et tu as quelque chose devant toi. Qui a donné ça? Qui a donné? Quand si on te donne quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Merci. Donne là-bas. Où est-ce qu'il va aller sur cette terre? Ça veut se prier ici. Alors, donc, quand on a une nourriture devant toi, on remercie le Seigneur de nous l'avoir accordé. Mm-hmm. Quand Jésus avait le pain, il l'a multiplié, il ne priait plus pour le pain. Il levait les yeux vers le ciel, il levait le pain, il dit que béni sois-tu toi qui fais sortir le pain. N'est-ce pas? Parce que le pain est là. Et puis, il donne aux gens. Mm-hmm. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on corrige les prières. D'accord? Et il y a l'implication. Parce que c'est tout à l'heure où tu as mis, comment on voit ce que ça implique. Parce qu'en réalité, si on fait, vous faites quelque chose pour Dieu, on fait mal, on le fait forcément avec l'ennemi. Ou bien, ça veut dire qu'il y a, parce que la Bible parle de l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'ennemi, de la vérité. Verset suivant. Verset 12. Mm-hmm. Pardonne. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mm-hmm. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mm-hmm. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Voilà. Amen. Maintenant, je te pose une question. Mm-hmm. Depuis combien de temps tu fais cette gérédition? Parce que quand tu fais Marie, tu introduis le nom de Père, le gloire, le gloire, le gloire, ainsi de suite. Quand tu fais cela, depuis combien de temps par exemple? Bon, c'est une prière que j'ai toujours faite généralement quand j'ai des problèmes. J'ai fait ça pendant les neuvaines. Mmh, quand tu fais. Je choisis 9 jours où je fais ça. Oui, et quand tu sors, mmh. Le problème change. Mmh. Ça veut dire que tu, normalement, encore une fois, tu devais t'arrêter pour poser des questions. Il y a aussi les maris qui dénouent le nœud. Je crois qu'il y en a plein ici. Mmh. C'est comme le livre jaune, la Marie qui dénoue le nœud. Marie qui dénoue le nœud. Mmh. Tu reçois aussi ça, non? Je reçois aussi ça. Les nœuds des situations difficiles. Mmh. Et quand tu reçois ça, Marie ne dénoue pas le nœud. Mmh. Tu ne vois pas qu'il y a toujours problème. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Moi, je comprends qu'il défait les nœuds. Voilà, qui défait les nœuds. Il y a un problème, pas vrai. Vous mettez même l'ange, en priant même les anges différents, à tout genre, l'ange de Michael qui fait ce qui combat les ennemis. Est-ce qu'il combat finalement? Vous devez donc vous arrêter pour poser la question qu'en réalité, il y a un problème qui se pose. Parce que si, malgré tant d'années, vous faites ces genres de récitations et rien n'échange, il y a un problème. Le problème, c'est quoi en réalité? C'est qu'en réalité, on a fait mal, peut-être on nous a induit en erreur. Je tiens ici, entre les mains, je veux que vous lisiez. Compagne. Compagne. Donne-toi à votre voix. Compagne. Ça, c'est en latin. Compendium officiel. Abrégé. Abrégé pratique officielle du catéchisme de l'Église catholique. Vous connaissez ça, hein? Non, jamais vu. Jamais vu. Mmh. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que, en réalité, vous ne savez pas ce qu'on vous enseigne. Vous ne savez même pas ce qu'on vous enseigne. Deux, vous ne connaissez pas si ce qu'on vous enseigne est tiré de la Bible. Et par conséquent, pour être dans l'erreur, sans vous en rendre compte. Chaque fois quand vous allez acheter le remède dans une pharmacie, on précise de lire la notice avant de prendre. Parce que si tu prends un remède, tu peux te tuer. Au lieu que ça soigne la chose, c'est pourquoi c'est venu. Ça peut te tuer parce que tu n'as pas lu la notice. Il y a des remèdes où on dit que même si tu as traversé la période, tu devais prendre, il ne faut pas prendre, buisser les doses. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu veux prendre le matin et que tu oublies que tu as pris ton remède, à midi, ne fais pas le rattrapage de la dose du matin. D'autres qu'on précise clairement qu'en cas d'allaitement ou bien en cas de femme enceinte, il faut demander conseil à vos médecins. Toutes ces choses-là qui sont mises là-bas, on parle des effets indésirables, c'est pour donner la précision que si tu vois tel effet, si l'effet mentionné là-bas, c'est normal. Il y a des façons de gérer cela. Voici le compendium abrégé pratique officiel du catéchisme catholique, c'est signé, c'est la doctrine donc de l'Église catholique, c'est Benoît XVI qui l'a fait. Donc voici donc ce que l'Église catholique enseigne en clair, avec les différents sommets, les différents points qui sont définis là-bas. Les dogmes, voici le dogme catholique, vous devez avoir. Il l'a fait jusqu'à ce qu'il a signé Benoît, mais le pape Bénédicte XVI. Donc voilà. Alors, ce que tu as commencé à citer là, le je crois en Dieu, et là, c'est à la page 52. Nous voici, au chapitre 3, je crois au Saint-Esprit. Non, je crois que, oui, page 52, il dit, on croit à l'Esprit Saint, voilà ça. Tu vois, c'est professeur, la troisième personne. Attendez, regarde là. C'est terrible. Voici, donc, on met chaque fois une phrase et on définit ce que c'est. Chaque fois, on met ce qui c'est. Il dit, croire en en l'Esprit Saint, c'est professer la troisième personne de la Sainte Trinité qui possède du Père et du Fils, est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. L'Esprit est envoyé dans nos cœurs. Galates, vous avez vu cela. Bon, maintenant, regarde. Voici la table de matière. Dans la table, parce que vos différents prières là, hein. Et voilà, prière de l'encens, prière de l'adieu à l'autel, avant de quitter l'église, après la liturgie. Acte de foi, actus fidei, prière pour les défunts. Vous priez pour le monde, non? Courage vraiment. Acte d'espérance, acte de charité. C'est ce que l'église dit de faire, non, ce n'est pas bon. Non, c'est pour cela que nous sommes là. Je ne peux pas vous passer au tatami, prier pour vous, sans vous donner ces choses-ci. Il faut qu'à la base, vous connaissiez ce qu'il en est. Donc il faut qu'il reste dans la Bible d'abord, vous compreniez d'abord la chose. Je vais vous expliquer le pourquoi. Regardez. Vous connaissez le cantique, la Regina Cheli. C'est grave. Hein? Vous ne connaissez pas le cantique Regina Cheli. Peut-être si tu commences, on va se retrouver. Okay. Autant Pascal, Regina Cheli, il y a la version latine et la version française. Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia. Car celui qu'il te fut donné de porter, alléluia, est ressuscité comme il avait dit, alléluia, priez Dieu pour nous, alléluia. Vous connaissez ça? Non, mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. On connaît la prière usuelle. Ils ne sont pas d'accord. C'est tous les gens croyants qui maîtrisent bien. Qui maîtrisent, oui. Faut être... Vous connaissez, moi, au moins, l'Ave Maria. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur avec vous, connaissez ça? Ange de Dieu, vous connaissez? Ange de Dieu. Signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fais un peu le signe à quoi? Donc, allons-y doucement. Tu vas en ralentir. Non, à haute voix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment tu peux le Saint-Esprit? Tu touches deux endroits. Tu touches le Père. Allons-y. Au nom. Il doit avoir combien? Au nom du Père. Oui. Un. Du Fils. Deux. Du Saint-Esprit. Il y a un problème, n'est-ce pas? Parce qu'il y a trois personnes, d'après ce qu'on dit ici. Et vous devez vous réfléchir. Fais encore. Non, je peux. Un. Deux. Saint-Esprit. Comment Saint-Esprit? Ça fait quatre là, non? Même les prêtres font ça comme ça. Laisse les prêtres tranquilles. Vous devez vérifier. Quand tu prends ton remède, tu n'as pas dit que même le médecin fait comme ça là. Tu dois vérifier si ce que tu viens de prendre est une pilule qui est normale pour toi. Donc, fais encore le signe de croix. On dit qu'il y a Sainte Trinité, non? Parce que c'est ici, signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, ça fait Père, Fils, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est pas Saint et Esprit. Alors, on va dire qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu mets Amen ici, là. Donc, Amen aussi, c'est un quatrième. C'est pas le signe de croix, ça veut dire quoi? Non, mais toi, tu pratiques ça, non? Ça ne vous semble pas bizarre que même les intellectuels soient là-dedans? On est allé tromper comme ça. Pourtant, c'est écrit. Je suis encore dans le compétition. S'il passe seulement le temps là-bas en donnant point par point, comme vous voyez que j'ai lu à l'intérieur là, souligné, c'est très grave. Le plus grave, c'est que ce sont des gens qui sont les érudits. Vous voyez quelqu'un de 84 ans qui a passé tout son temps dans la doctrine. Regardez ce qu'on dit. Toi-même aussi, c'est logique. On dit qu'il y en a trois personnes. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ce qui cause déjà un problème. Maintenant, tu dis au nom du Père. Ça, c'est Père. Du Fils. Et puis du Saint-Esprit. Rapidement, vous passez. Il y a un problème. Je veux que vous me donniez la position du Saint-Esprit. Et la position qui est vide, vous dites ce qui doit être là-bas. Pour que ça fasse la croix. Parce que justement, si on met une croix, on voit que les extrémités en comptant, ça doit être quatre. Les quatre points cardinaux, n'est-ce pas? Alors. Mais chacun a sa place. Allons-y, allons. Parce qu'il y en a trois. Il y en a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Fais aussi le signe de croix. Tu mets. Dieu le Père. Oui. Oui. Donc, Saint est là-bas, Esprit ici. Ça fait combien? Quatre. Donc, maintenant, là, il y a la Sainte quoi? C'est la Sainte Quatrité ou c'est comme dedans? Sainte Quatrité. Sainte Trinité. Bon, si c'est Trinité, ça veut dire c'est trois. Donc, ça veut dire qu'il y a un quatrième qui manque. Alors, je veux que vous m'expliquiez ce que c'est donc. Vous voyez que par doctrine, depuis l'enfance, vous enseignez des choses, vous gobez. L'heure arrivée, non, vous devez savoir ce qu'est la vérité. Et on a des problèmes. On a des problèmes. Vous voulez qu'il continue toujours? Ça va. Ça va. Tu es sûr que ça va? Vous devez comprendre ces choses. Maintenant, je vais lire le Regina Tcheni. La Bible nous enseigne ce que Jésus est venu. Jésus est venu afin qu'on connaisse le Père. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et toute chose qui ne marche pas dans la droite ligne avec la parole. Parce qu'il a dit que c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Si vous ne faites pas ce que vous avez dit, c'est pour ça que je pose la question que depuis que j'ai reçu de Marie, quelque chose change. Tu dis non. Tu fais les neveux, ça ne change pas. Parce qu'en réalité, j'ai vu ici culte de mort, la prière au mort. Ça se trouve nulle part dans la Bible. Nulle part. Nulle part dans la Bible. Quand ça devait être que quelqu'un meurt, c'est terminé. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et 6 dit que lorsque quelqu'un est mort, même s'il avait la haine contre toi, même s'il t'aimait, le jour qu'on l'entend, comme il a expiré là, c'est terminé. Il n'aura plus de souvenirs sur tout ce qui se passe sur le soleil ici. Tu es là, tu pries ta part, mais ça ne te laisse pas. Tu vas maintenant prier pour quelqu'un qui est mort. Et en plus, encore, ce qui est grave encore, c'est qu'on demande à ces morts-là d'intercéder pour nous. C'est pas ça, hein? Mm-hmm. Bon, quelqu'un qui était sorcier sur la terre, il va faire quoi avec toi? S'il intercédait même. Quelqu'un qui t'a haïssé, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ça va t'enfoncer. Entre toi qui est vivant et le mort, qui est celui qui est mort, lequel tes conditions est mieux? Quelle condition est mieux? Entre le mort et vous qui vivez. C'est le vivant, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. N'est-ce pas bizarre que même chez les Bamilékés, vous voyez quelqu'un mange, il dort, quand il est vivant, il marche, il peut manger ce qu'il veut, la prune, acheter le maïs, mais quand il meurt, c'est lui qu'on va verser avec du sel. Donc désormais, dans la dimension, il mange seulement lui. On verse au sol pour d'autres, on met dans la carabasse, les fourmis mangent, ils passent maintenant dans les fourmis. Mais avant qu'il soit, quand il était vivant, il y avait toujours les fourmis. Et là, vous ne réfléchissez pas pour comprendre que, mais qui en a des fesses là? Quel est le but au juste de nos fesses là? Lévitique, ouvre Lévitique là, rapidement. Suivez-toi, il faut qu'on finisse. Vous allez passer au tatami, vous laissez de quoi il parle. Même si vous êtes chargé comme la batterie Energizer, ça va décharger, c'est la seule du tatami, d'accord? En fait, donc, tout ce que nous voulons vous expliquer, c'est que toutes ces choses là, quand vous priez mal, c'est le mauvais esprit qui entre. Oui, vous priez mal, c'est le mauvais esprit qui entre. Donc, vous le disiez, en fait. Quand vous allez commencer à lire l'éthique. Lorsque vous allez lire la Bible, vous lisez, ça ne change rien à cette situation. Vous lisez tout l'Écriture, c'est Dieu qui a écrit tout cela. Jésus, l'Écriture chapitre 19 justement, dans le verset 31, lisez à Dieu que vous voyez ça de votre propre yeux. Si vous voulez la version catholique, parce que vous croyez que c'est dans notre Bible que c'est écrit, voici top. Comme ce mot la top, non? Donc si vous dites que c'est dans la version, là, on ouvre aussi dans la top, vous lisez. Verset 31. Oui. Quoi qu'il faut vraiment qu'on lise la top aussi. Lise le verset 31. Ouvre un peu la barrière, là, il y a quelqu'un là-bas. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les démons. Oui. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Oui. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bon, comme tu as lu, maintenant, explique-moi aussi toi ce que tu as lu que Dieu a dit. Allons-y, explique-nous alors, expliquez-nous. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Oui. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ok. Ça veut dire que ici, là, le Seigneur demande que ce n'est que lui qu'on doit chercher. Parce que sur la terre, il y aura beaucoup de gens. Il y aura beaucoup de gens qui vont dire être des devins, évoquer d'esprit. Il dit ne les cherchez point de peur de se souiller avec ces gens. Donc, pas toi, t'es souillé. Oui, Bon, explique-moi ce qu'on appelle divin ou bien les gens qui invoquent les esprits. J'essaie d'expliquer concrètement sur la place, dans la pratique pour nous. C'est-à-dire que si tu veux donner un exemple à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire qu'un exemple, quoi par exemple? Moi, je pense que pour demain ici, c'est des gens qui disent, lis par exemple, Tu connais lis dans l'avenir. Lis dans l'avenir, c'est comme... Comme un prophète. Oui. Des gens qui disent... Des gens qui sont capables de prédire l'avenir. Mais juste lui-même prédire l'avenir. L'apôtre Paul prédire l'avenir. Et tout cela. Et c'est deux dont on allait parler. Qu'est-ce qu'on parle de qui là? On parle de quoi là maintenant? C'est-à-dire que dans notre contexte, comme vous êtes dans le contexte africain, on parle, vous pensez qu'on parle de qui là? Marabout. Marabout. Ok, maintenant je pose une question. Vous êtes très sage, vous l'applaudissez pour eux. Voilà. Alors, quand la Bible dit qu'on ne peut pas chez le marabout, et quand vous dites que vous allez à l'église, vous faites le réveil, et puis vous allez chez le marabout, vous pensez que vous allez faire quoi? Est-ce que vous saviez que c'était prévu comme ça dans la Bible? On savait que c'était prévu comme ça. Dans ce cas, pourquoi malgré cela, vous faites le réveil quand ça ne va pas vous partir chez le marabout? Parce que le réveil ne marche pas. Parce que le réveil ne marche pas. On est en train de dire la vérité, non? Oui, oui, oui, c'est vrai. Donc, si Marie qui est censée donner les nœuds les plus difficiles, ne dénoue pas, vous invitez Michael avec les cohortes des anges, avec tous les trônes, parce qu'il y a des prières pour les trônes, et c'est les seigneuries. Si vous faites tout ça, ça ne marche pas. Ça se pose donc que vous allez chez le marabout, qui est un être humain. Si Trône ne marche pas, Michael qui est le chef des anges ne marche pas, Marie elle-même qui est la consolatrice ne marche pas, vous citez le Dieu le plus, ça ne marche pas, le marabout va faire quoi? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, arrêter la profession de foi qu'on dit que je crois en Dieu, en réalité, n'est pas vrai. On est d'accord là-dessus. Parce qu'on dit, il y a la profession de foi où vous commencez, je crois en Dieu, le Père, le Créateur de tout, tu crois. Si tu crois, et comme tu dis que c'est écrit qu'on ne peut pas lâcher le marabout, il a dit qu'il ne peut pas lâcher le marabout. Est-ce qu'en réalité, donc tu crois en lui? Donc tu vois que la profession reste sur les lèvres. Et bon, dans l'intérieur, il ne se trouve pas la foi. Parce que la foi, c'est attendre de Dieu ce qu'il a dit et accepter tel qu'il a dit. Maintenant, le chapitre 20, maintenant, verset 6. Courage, d'accord. Verset 6. On dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, il tournera. Non. Je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai au milieu de son peuple. Les Toussaint, c'est fait pour quoi? Ce qu'on appelle la fête de Toussaint. Qu'est-ce que vous faites ces jours-là? C'est une fête où on célèbre les saints qui ont existé à travers le monde. Mais Dieu lui dit quoi? On fait la procession dans le cimetière, on parle de la cimetière, c'est sûr, on prend souvent la cendre pour mettre là. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 6 encore. Si quelqu'un s'adresse au monde. Stop. Prenons le cas de l'Église catholique. Quand vous allez en groupe dans le cimetière, qu'est-ce que vous faites? Exemple, tu as là participé. Toi, tu as là participé. C'est grave. Au moins, quand vous êtes dans l'église, la grande église, bien, bien frère là, vous allez prier pour les morts. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Comment vous priez? On ne sait pas sur les réunions qu'on prie pour les morts. Mais vous savez au moins qu'on prie pour les morts. On n'est pas assisté. Eh bien, dans ce cas, comme on n'a pas encore assisté, vous allez assister. On va ouvrir l'endroit où on prie pour eux ici. Voici le rosaire, mystère du joyeux, l'annonciation, c'est sûr. Priez pour les défunts. Dieu des esprits de toute chair qui a foulé au pied la mort, qui a réduit le diable et a anéanti et qui a donné vie au monde. Donne-toi, mon Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt, le nommé. Monsieur tel, on nomme. On dit, donne le repos dans le lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés. Ça, c'est quand la personne est morte, n'est-ce pas? Commis en parole, par action et en pensée. Parce qu'il n'existe pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Toi seul es sans péché. Ta justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt, on donne le nom, nous te rendons grâce avec ton Père incrié et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant aujourd'hui et pour des siècles. Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Donc voici quelqu'un qui est mort. Et généralement, vous voyez ces choses-là dans les pompes funéraires. On appelle d'abord le prêtre fait. On dit que accueille-le dans ton royaume lumineux. Qu'il ait été bandit, on fait cette même prière. Qu'il ait été volé, politicien, homosexuel, on fait cette même prière. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Il dit qu'on. Et le prêtre dit chaque fois que Dieu pardonne ses péchés. Mais la Bible, elle enseigne que c'est sur la terre, pendant que tu es en train de vivre, que tes péchés sont. Que tu dois demander pardon pour tes péchés. L'acte de repentance est fait sur la terre. Après ta mort, c'est terminé. ouvre la cour, qu'elle voit. Ouvre Hébreux chapitre 9. Lui. Il faut pas, il faut qu'on parle, il faut que vous voyez dans la Bible. Donc là, ça veut dire que comme je suis là, j'ai des bavardés. Si je fais n'importe quoi, et que avant ma mort, je demande pardon à Dieu, c'est pardonné. Mais si je meurs sans qu'il les pardonne, l'acte de pensée soit fait, tout ce que vous allez faire sur la terre, il sur tous les papes pour prier. C'est le péché de la terre. Vous voyez comment c'est dangereux, n'est-ce pas? Donc par conséquent, on fait comme ça, les gens vivent comme ils vivent, quoi que par derrière, quand ils vont mourir sur la terre, on va intercéder pour eux pour qu'ils entrent au ciel. D'où la notion de purgatoire. Que même s'ils sont quelque part, on va prier, ils vont traverser. Ne courez pas le danger. Ne courez pas le danger. Il y a pas de purgatoire. Il y a deux endroits. Il y a le feu, il y a le paradis. Il n'y a pas deux, il n'y a pas un intermédiaire. Tout à l'heure, on va lire. Après, on va lire là. On va lire. Lis le verset 27. Toi, lis le verset 27, c'est ce que ça dit. 27. Hébreux chapitre 9. Verset 27 dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le pardon. Jugement. Vient le jugement. Donc c'est pas le pardon. Donc après quand l'homme meurt une seule fois, c'est le jugement qui l'attend. Vous avez bien suivi? Il n'y a plus d'acte de pardon après la mort. Quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est un peu comme vous êtes en train de faire un séjour sur la terre. Dès que votre fil est coupé, le souffle coupe, on ferme votre livre. Toutes les actions que tu as faites. Ouvre Hébreux chapitre quoi, Apocalypse là rapidement, chapitre 14, le verset 13. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Donc vous voyez effectivement quand on disait pas, on va vous raconter n'importe quoi, regardez à quel âge vous êtes. Et qu'on vous a manipulé depuis. Vous dites, toi-même tu dis que non, on fait le rosé, ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on passe chez les marabouts. Chapitre 14, verset 13, lis le verset 13, non plus le verset 13. 14, c'est bon. Le 13 c'est le dernier là. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, on dit heureux dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Oui, car les œuvres les suivent. Les œuvres, parce que sur la terre, ils ont fait quelque chose. Comme ils sont maintenant dans le Seigneur, les œuvres les suivent. Ça va les accompagner. Et bien maintenant, ça c'est pour le message qui est adressé à ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Ils sont sur le lieu de repos. Car les œuvres les suivent. Ce qu'ils ont fait sur la terre les suivent. Maintenant, c'est la parole adressée donc à ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, c'est quoi? Malheur à ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur. Parce qu'ils vont être troublés. Les œuvres aussi vont les suivre. Ce que tu fais sur la terre ici, tu vas faire appel à un jugement. Donc ne courez pas le risque que vous mouriez en comptant sur votre voisin que ils seront miséricordieux, que l'Église va prier pour vous. C'est le mensonge. C'est le mensonge pour que vous périssez en enfer. Luc chapitre 19, rapidement. Ne dormez pas parce que quand vous commencez votre rosaire, lisez la Bible, vous dormez. Vous avez remarqué que vous baillez beaucoup, non? Quand vous ouvrez la Bible, vous avez remarqué. Pourquoi? On ne vous a pas posé toujours aussi la question. On n'avait pas posé la question de pourquoi quand j'ouvre la Bible, je dois bailler le sommet, comment on met pas la fatigue n'est pas. Oui, papa, tu viens de comprendre. On ne comprend même pas. Mais depuis là, vous comprenez quand même, non? Voilà. À partir du verset. Luc chapitre 19. Non, nous sommes au chapitre 19. Prends le chapitre 16, verset 19. Chapitre 16, verset 19. Je veux vraiment toute votre attention là maintenant. En décembre, là, il ne veut plus voir là. Verset 19. À haute voix, mes soeurs. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui, comme ça en français, non? Donc là, ça ne s'intéresse pas. Continue à lecture, c'est jusqu'au 31. Ok. Un pauvre homme. Nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Gardez bien l'histoire dans la tête, d'accord? Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vint, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Regardez, continuons. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Oui. D'ailleurs, il y entre. Entre nous et vous. Oui. Un grand abîme. Un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer ici vers nous. Je crois que j'ai bien lu. Passer d'ici vers vous. Vers vous, oui. Ou de là vers nous, ne puisse le faire. Stoppons d'abord avant de continuer. Vous avez vu ce que la Bible dit? C'est Jésus qui nous dit cela. Vos prêtres enseignent qu'il y a un lieu intermédiaire. Là, la Bible enseigne qu'il y a deux lieux. Quand les deux sont morts, ils sont allés dans deux lieux différents. Et on explique là qu'il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Si tu es dans un endroit, tu ne pourras plus jamais aller dans l'autre. Si tu es dans l'autre, même si tu voudras aller, tu ne pourras plus aller. C'est pas ce qu'il crée. Il y a encore le verset 26 là. D'ailleurs, il y a entre nous et vous le purgatoire. Abîme. Non, on dit le purgatoire. Tu n'as pas vu. C'est un grand abîme. Vers abîme, ça veut dire quoi? On n'a pas dit qu'il y a entre nous et vous et nous le purgatoire pour que vous puissiez aller là-bas ou pour venir ici. Non, il n'y a pas de purgatoire. C'est un grand abîme. Un grand abîme. Un grand abîme, ça veut dire un grand vide. Un grand espace qui sépare une zone qu'il crée. L'espacement entre vous et nous. Oui. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Vous voyez effectivement que si on dit que l'abîme là c'est le purgatoire, c'est un non-sens, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que l'abîme là justement crée la séparation entre là-bas et ici. Un peu comme le fil qui isole la partie, vous appelez quand vous avez le courant électrique, ce qui frappe là, on met souvent l'isoloir entre eux, pour que ça ne puisse pas traverser. Parce que ça touche, il y aura court-circuit. Alors, il dit qu'il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient quitter d'ici vers vous, ne puissent le faire. Mais qu'est-ce qu'on dit du purgatoire? Qu'est-ce qu'on dit? Les prêtres disent du purgatoire. Quand les gens sont. Quand le riche est mort, on dit qu'il s'est retrouvé au séjour des morts. Et là-bas, il brûlait. Il avait les flammes juste parce qu'il avait soif au point où il dit qu'on envoie, on le met dans l'eau. C'est pas ce qu'on a lu ici. Bon, entre les prêtres et Jésus, qui a raison alors? Tu veux que vous me dites aussi? Vous croyez aux prêtres ou vous croyez à Jésus? Ce qui est clair, c'est que dans votre confession, on ne dit pas je crois au pape, il dit si. Vous avez dit que je crois en Dieu. Voilà la parole de Dieu. Comment tu dis que vous me donnez la réponse? Vous croyez en Jésus ou vous croyez aux prêtres? À Jésus. Viens donc continuer à l'étude. Donc, d'après ce que Jésus dit au verset 26, y a-t-il de purgatoire? Il n'y a pas de purgatoire. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le prêtre en leur disant que non, de où mentez les gens? Vous êtes prêt? Ça leur dit face à face désormais que vous mentez. Pourquoi mentez-vous les gens? Quel est le but? Très sérieux. Vous voyez que depuis ce qu'on a touché, on a touché à prier des maris. Vous savez, Marie, c'est le signe de croire, il y a problème. Prier pour les morts, il y a problème. Maintenant, nous touchons maintenant le purgatoire, il y a problème. Finalement, vous devez poser la question, nous sommes où en réalité? Parce que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Il dit que ne faites pas ces choses comme les païens. Et c'est exactement ce que vous faites. Multipliez les paroles, multipliez. 150 ans, vous savez, Marie. La Bible déclare, il croit qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Et justement, vous multipliez, il n'y a pas d'exaucement. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Alors maintenant, continuons avec le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai cinq frères. Donc il en a parlé sur la terre. Donc sur la terre, il a combien? Cinq frères. Cinq frères. Continuons. C'est pour qu'ils leur atteste ces choses, mm-hmm. afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc là où c'est tout, c'est un lieu de tourment. Et il a dit que, comme il a demandé les faveurs pour lui, ça n'a pas donné. Il a dit que, pardon, envoie celui-là donc, qui rentre sur la terre, mm-hmm. dit à mes frères, parce qu'il y a cinq frères, parce qu'il comprend que c'est le style de vie qu'il a vécu sur la terre, qu'il a entraîné là-bas. Il dit donc, ok, envoie donc Lazare là-bas, dans la maison de mon père, pour qu'ils avertissent mes cinq frères, afin qu'ils ne viennent pas aussi. Parce qu'il connaît le style de vie qu'il vivait. Puis afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Parce que le style de vie qu'il a vécu sur la terre l'a entraîné là-bas. Vous voyez? Selon ce que Abraham va leur dire. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Stop. Dis-moi qui est Moïse, qui sont les prophètes. Ce sont les qui? Voilà, donc les prêtres, le pasteur et autres, n'est-ce pas? Mm-hmm. Qui les écoute. Donc, qui les écoute. Donc, c'est à qui d'informer les gens sur la terre comment ne pas aller dans le lieu de tout le monde? C'est à qui? Prêtre. Bon, maintenant, c'est que votre prêtre fait, il vous entraîne là-bas ou il vous enlève là-bas? Mais il vous entraîne là parce que là, on comprend, moi je comprends pas, je suis perdu. Hein. Non, on a envie de voir quelque chose. On teste ce que vous croyez à la lumière de la Bible. Parce que la Bible nous enseigne de tester toutes choses. On dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez les esprits, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mm-hmm. C'est pas ça, hein? Mm-hmm. Bon, à la lumière de ce qu'on a de voir depuis, les prêtres vous conduisent où? D'après tout ce qu'on a de voir depuis. On a lu clairement que ce que quelqu'un s'adresse au mot, Dieu va le retrancher. On a lu ça, non? C'est pas ce qu'on a vu. Mm-hmm. Si quelqu'un s'adresse au mot et aux esprits pour se prostituer, je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est pas ce que Dieu a dit. Mm-hmm. Et là, on voit dans le catéchisme. Abrégé catholique signé par Benoît, c'est un grand érudit de doctrine, compris pour les morts. Qui a raison, celui-ci ou bien celui-là? C'est compliqué. Compliqué. C'est très compliqué. Donc maintenant, voici la doctrine catholique. La compétition, voilà la Bible. Vous faites quoi? Je vais toucher le cas ici. Voilà la Bible, la doctrine catholique, lequel vous amène au ciel. Ça, vous voulez croire donc désormais à ceci? Si vous croyez à ceci, pour que vous ne soyez plus ballotté, vous devez écarter tout ce que les hommes écrivent, tout ce que les hommes disent, et vous concentrer à la Bible seulement. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Il a dit sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Non, maintenant, depuis que tu as dit, tu ne comprends pas. Maintenant, on comprend. Maintenant, c'est les prêtres qui nous expliquent la Bible, ils n'expliquent pas. Bon, alors maintenant, je pose la question. Alors, Abraham a dit qu'ils ont sur la terre Moïse et les prophètes. Et on a dit clairement qu'ils les écoutent. Donc, il y a des gens que Dieu a envoyés pour prêcher. La question maintenant, c'est que si quelqu'un ne te prêche pas ce que Dieu a envoyé, est-ce que Dieu l'a vraiment envoyé? Parce que si on a dit là-bas en haut qu'il y a des gens sur la terre qui doivent écouter. Donc ça suppose qu'il y a des gens qu'on doit écouter parce qu'ils doivent dire des choses pour détourner les gens pour qu'ils ne partent pas dans le lieu de tourment. Il n'a pas dit qu'on écoute tout le monde. Ils ont dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. N'est-ce pas ce qu'on a lu là? Qui les écoute? Maintenant, construisons la conséquence. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc, celui-là voulait venir maintenant corriger Abraham. Il dit que, mais on sait que Lazare était mort. Si Lazare part maintenant, il vient quand dit oui. Mais c'est pas toi qui était mort l'autre jour, je dis oui, je suis ressuscité. C'est Abraham qui m'a envoyé votre frère qui est en enfer pour me dire que, vous dit que, changez de vie. Changez de vie. Suis ce qu'Abraham va lui dire. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. On va tester ce verset là maintenant. On va tester ce qu'Abraham dit. Il a dit, si sur la terre, ils ne parviennent pas à écouter ce qu'on leur dit, même si quelqu'un se ressuscite, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un miracle, ça ne servira à rien. N'est-ce pas? À compter d'aujourd'hui, êtes-vous prêt à abandonner les rosaires, les signes de quoi, les récitations, toutes ces choses pour vous consacrer à ce que Dieu dit? Je l'ai encore bien. Abraham, verset 31. Oui. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés. Ils ne se laisseront pas. Ils ne se laisseront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, ça veut dire que ce qu'on doit vous prêcher est plus vrai, est censé être plus vrai que quelqu'un qui sort des morts pour vous dire quelque chose. C'est ce qu'il a dit, non? Parce que s'il y avait possibilité que celui-là sorte là-bas pour aller dire, pour que les gens changent, il a dit que waouh, ça c'est une bonne idée. Puisque quelqu'un qui était mort et que tout le monde sait qu'il est mort, si c'est lève, il dit que j'ai vu telle chose, au moins on doit croire. Il a dit que c'est pas ça qu'il faut éveiller les gens là-bas. C'est ce qu'on dit sur la terre. C'est pour ça que Jésus lui-même était obligé de venir naître ici. Il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les gens croyaient en lui. Jean-Baptiste est venu. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il envoie ses disciples, il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus est parti, il a dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà comment on fait sauver. Si vous ne croyez pas, quelque chose que vous allez faire ici, vous allez finir là-bas avec le riche. C'est simple. Alors je pose-moi ma question. Êtes-vous prêt donc à abandonner toute cette doctrine démoniaque pour vous consacrer à ce qui va vous amener vers Jésus-Christ, notre Seigneur? C'est compliqué. Vous voyez que vous avez qui dans la famille qui était mort? Tu connais quelqu'un de la famille qui était mort? Le papa est où? Maman est où? La tante est où? Les oncles, tout le monde vit, la grand-mère. Mais la grand-mère. Le grand-père était décédé. Le grand-père était décédé. On prend quand même le grand-père qui est décédé, il a fait l'effort de décéder. Si le grand-père vient et se tient là-bas, il dit que ma fille, repente, toi tu vas te repentir. Tu auras peur plutôt. Ok, Benjamin, voilà l'écriture. Parce qu'on peut ouvrir la Bible parce qu'il veut qu'on aille dans un autre passage bébé, mais il faut qu'on réponde à cette question. Il a dit si. Bon, moi, je veux d'abord une autre question avant que. Oui. C'est la Bible que on a écrite. Oui. C'est l'origine de toutes choses sur la terre. Mmh. Les gens qui sont censés nous dire, nous expliquer la Bible, parce que parfois quand tu lis tout ça, là, maintenant tu comprends. Parce que pour ça, parfois on se va à l'église le dimanche. Si ces gens-là ne nous expliquent pas la Bible, c'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Voilà, c'est une bonne question. Ici, il faut d'abord répondre à la question qui les a envoyés. Il faut qu'on réponde à cette question. Parce qu'il a dit, Abraham a dit qu'il a Moïse et les prophètes. Il y a Moïse sur la terre. Moïse et les prophètes. On connaît dans la Bible qui était Moïse. Moïse était envoyé par Dieu pour aller dire quelque chose. Et les juifs l'ont écouté. Saron a écouté ce que ça a fait sur son peuple. Les prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie, Zacharie, Michée, Osée, ainsi de suite, ont été envoyés par Dieu. Donc il ne dit pas que tous ceux qui sont sur la terre. Parce que Jésus lui a dit qu'au dernier jour, il y aura des faux prophètes qui vont venir. C'est pas ce qu'il a les demandé. Donc vous devez poser la question, si ces gens-là qui sont censés nous diriger, sont, ne nous dirigent pas comme ils se doivent, alors qu'est-ce qu'on doit faire? La question c'est qui les a envoyés? Est-ce qu'ils sont conformes à ce que Jésus a dit? Si quand tu auras le temps, lis Matthieu chapitre 23, tu vas le voir là-bas. Si tu lis Matthieu chapitre 23, tu vas voir exactement la description, tu vas voir de qui est la question. Quand, je te pose devant la question, pourquoi tu commences à comprendre? Quand Jésus était sur la terre, avait-il un vêtement qui ça le permettait de le distinguer de d'autres personnes? Ses disciples en avaient, les apôtres qui l'envoyaient en avaient-ils, les habits des prêtres et autres, là-bas, qu'on fait les tours avec les croix, là, ça sort d'où? Tu t'es posé aussi la question. Tu vois que si on va tuer la toucher, on aura beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans la parole. Voilà pourquoi on mélange un peu avec la parole, les litigés, avec les traditions. Comme le compagnon dit, le magistère, avec la tradition, les doctrines, la tradition. Ils ne croient pas à la Bible, ils ont des traditions. C'est ce que la Bible, c'est ce qu'eux ils disent ici, la tradition. Si tu veux, j'ouvre là-bas le computer, je te montre. Tu vois ce que la Bible en dit. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit, prenez garde que les gens ne font, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie des hommes et par la tradition, ne se basant pas sur Christ. Et c'est exactement ce qui est écrit dans ce compendium. On ne croit pas seulement à la Bible, il croit aussi à la tradition transmise. Par conséquent, ils peuvent mélanger. Donc, selon le pourquoi, ils mélangent en même temps un temps monoversé, en même temps quelque chose. Il y a l'ensemble que vous secouez là-dedans, non? Tu as vu ça ici, dans le Nouveau Testament. Jésus a fait ça. Si Jésus a fait les enfants, vous avez vu quelque part, il a brûlé les enfants pour la prière. Vous avez vu ses disciples faire ça. Ça vient d'en bout. Vous ne posez pas de questions. Si vous ne posez pas de bonnes questions, on ne veut pas avoir de bonnes réponses. Les bonnes réponses se trouvent dans la Bible. Vous devez vérifier n'importe quoi que vous écoutez. N'importe quoi qu'on vous dit à la lumière là-bas. Les prêtres ne viendront pas lire votre Bible pour vous. Parce que vous lisez les romans. Vous voyez les Nova TV. Vous voyez Nelou. Vous voyez ça. Vous avez le temps que vous consacrez là-bas. Mais c'est pourquoi votre âme doit être ancrée. Vous ne le faites pas. Il ne doit pas venir lire votre Bible pour vous parce qu'il connaît là sa mission. Il va finir par rendre compte à Dieu. Vous devez rendre compte aussi à Dieu pour votre propre vie. Alors maintenant, ça veut dire qu'il faut que vous preniez votre vie entre vous-même. Quand lui vient, il vous envoie au cimetière. Il sait effectivement quelle est la mission qu'il a. C'est écrit là-bas qu'on ne doit pas faire ces choses-là. Mais si tu es trompé, tu te laisses tromper. pour aller encore au cimetière. Il a dit c'est bien, ça fait son mot, il va le rechercher. Et le vrai problème, c'est pas fait comme ça. Vous croyez que vous avez dit ça le problème? Il dit que si tu pars au cimetière ou mort, tu vas te prostituer avec les gens, vous vous souillez. Vous êtes en contact avec les esprits des morts. Vous dormez maintenant, commencez à manger. On commence à poursuivre. Après, on dit que ouais, j'ai trop de problèmes. Marie qui est de nous le nez. Je veux que tu lis le Regina Chelle. Si vous voulez, j'ai une question que j'ai posée là-bas. Êtes-vous prêt à laisser les traditions pour suivre la parole? C'est vrai que ça fait mal parce que depuis l'enfant, on a grandi là-bas, n'est-ce pas? Donc, quand on est habitué au poison, il y a des gens qui sont habitués à le quartier des moustiques ou pour vous, quand vers 22h, quand ils sont censés, les moustiques ne puissent plus, ils ne voient plus rien. Parce qu'ils sont habitués aux moustiques. Allons-y. Autant Pascal. Oui. Reine du ciel, je suis toi. Et tout le temps, regardez, hein. Je ne sais pas que vous dites qu'on a inventé, c'est pour ça qu'il met ça, oui. Car celui qui te fut donné de porter, alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit. Oui. Alléluia. Prie Dieu pour nous. Alléluia. Sois heureuse et réjouis-toi. Moi, je suis ici, je n'entends pas ce que tu viens de le dire. Non, je le prends. Non, vas-y à haute voix parce que les mots que tu vas dire. Autant Pascal, oui. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia. On appelle qui? Reine du ciel. Selon toi, c'est qui? On parle de qui là? Reine du ciel. En tout cas, lis. C'est la Vierge Marie. Donc, quand tu as lu directement, tu as pensé directement, donc, on s'adresse à la Vierge. Continuons. Car celui qui te fut donné de porter, alléluia, est ressuscité comme il avait dit, alléluia. Oui. Prie Dieu pour nous. Donc on dit donc à cette femme-ci de prier Dieu pour nous, n'est-ce pas? Arrêtons de l'abandon. Il y a d'abord un problème. Parce qu'on est ici sur la terre. On a de demander à cette femme-là qu'elle va devant Dieu pour nous. On appelle ça l'intercession. C'est pour ça qu'on appelle l'intercesseur. Maintenant, vous, avec votre petite, même la petite connaissance de la Bible, qui doit intercéder pour les hommes? Non, du coup, personne ne va au Père sans passer par le Fils. Ça, tu connaissais ces versets-là aussi, tu connaissais aussi cette phrase que tu viens de citer. Bon, ok, maintenant, ça me pose encore un problème. Jésus, lui, il a dit, nul, il va au Père sans passer par moi. Là, on a de faire quoi? C'est pas mal. Il y a un verset qui dit ça. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Comment? Peut-être qu'on va croire. Non, on ne peut pas croire. Voilà le livre humain. Voici la Bible. Vous devez choisir. C'est le ça. Livre humain, ça a été écrit. C'est pas donc, la Bible, c'est le livre humain. Ça n'a pas été écrit par les hommes. C'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole des hommes? C'est la parole de Dieu. Mais elle a été écrite par. Bon, si c'est la parole de Dieu, alors. Parce qu'on ne peut pas ça saines écritures. Voici ce qu'on appelle saines écritures. Jésus a dit allez et prêchez la bonne nouvelle. Il a dit ça à ses disciples. C'est lui qui croira. Donc on est sûr que c'est lui qui les a envoyés. Les Christ là, n'est-ce pas? Voilà. Il dit à Apocalypse, ce que tu vois à Jean, prends ta plume et écris et envoie-le aux églises. Donc on est sûr que c'est lui qui a dit. Et il n'a pas dit quelque chose à une personne. Venez dire quelque chose de contraire à une autre personne, n'est-ce pas, ma chère? Donc au moins on est sûr que ceci est vrai. Ok, fini le cantique de la Reine du Ciel. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia. Donc finalement, ils ont même mis clairement qu'il s'agit de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, donne-moi maintenant le compendium. Le premier nom dont on l'a nommé, on l'appelait qui? Reine du Ciel. Reine du Ciel. Quand vous entendez Reine du Ciel, quand ça vous vient à l'esprit, vous pensez à quoi? Quelqu'un qui est couronné. Parce que dans un royaume, il peut y avoir deux reines. Il y a une seule reine. Vous pensez que c'est Marie? Vous pensez que Marie est la reine du ciel? Vous n'y avez jamais pensé. Vous voulez qu'on parle de la Bible, on voit la reine du ciel. Qui est ce qu'on appelle la reine du ciel? Vous voulez qu'on parle, vous avez de la peur? Non, il faut qu'elle voit qui est la reine du ciel. Dans ce cas, on va le voir. Vous, Jérémie, chapitre 17, mon cher. On va voir dans la Bible, c'est la personne qu'on appelle reine du ciel. Jérémie. Tu dis, c'est ma compte. Seigneur, Jérémie, à ça, mais ça va te laisser, je suis en chronique, mon frère. Doucement, Jérémie, chapitre 7. Bon, comme tu es au chapitre 40 ou le chapitre 44, avant qu'on rentre. Ok, le donne-leur, toi tu lis le verset 17, elle lit le verset 18, lui il lit le verset 19. Allons-y, verset 17. du chapitre 44 de Jérémie. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Oui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Vous avez le mot, n'est-ce pas? On offre l'encens à qui? La reine du ciel. Oui. Et lui faire des libations. Des libations. Oui. Verset 18. Mm-hmm. Qui va l'hymner? Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations. Non, le verset 17 là, tu n'as pas fini, n'est-ce pas? Non, fini d'abord avant qu'elle libère. On comprend comme tout le monde. Mais. Ça haute va un peu. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Mm-hmm. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Oui. Et lui faire des libations. Oui. Comme nous l'avons fait et nous, nos rois et nos chefs dans des villes de Juda et dans des rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Voilà, donc d'après ce qu'il a dit ici, ce groupe de gens, on a dit ici, quand ils offraient l'encens et l'élévation à la reine de Seigneur, ils n'avaient pas de problème. Donc, et depuis qu'ils ont cessé, ils ont eu des problèmes. Donc c'est à Marie qui donnait ça, n'est-ce pas? Hein? D'après ce qu'on a vu dans la composition, d'après cela, c'est Marie. Mais il y a un problème. C'est à Jérémie. Ici, Jésus n'est même pas encore né. N'en parlons même pas. Donc, ça, c'est 700 ans avant. Donc, ça, c'est écrit 700 ans avant que l'arrière-grand-père de Marie qui va naître vienne naître sur la terre. Pour un jour accoucher le père de Marie et la mère de Marie, pour que Marie vienne au monde, pour que Jésus vienne. Donc, la reine disait existait 700 ans avant Marie. Finalement, de qui est-ce que la Bible catholique a lui parlé? Comment pas? Merci Dieu. Et depuis que nous avons cessé d'offrir. C'est le roi lui-même. Non, on va le comprendre. Oui, et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée. Et pas la famine. Donc ils ont dit clairement que quand ils cessent de donner des offrandes ou quoi que ce soit à cette reine du ciel là, ils ont été consommés. Donc cette reine du ciel là était une divinité, une déesse qui répondait à la prière. Parce qu'on lui adressait des prières, n'est-ce pas? Or maintenant je dis, c'est dans le livre de Jérémie. Après Jérémie, il y a des prophètes qui vont venir. Avant Jean-Baptiste vient. Un jour, il y a une femme qu'on appelle Marie qui va faire naître Jésus. Donc, ce n'est pas cette femme-ci qu'on appelle la mère de Jésus qu'on a accueillie en s'adresser ici. Parce que la reine du ciel, ça n'est qu'une seule personne. Si on dit le sauveur du monde, chaque jour, de chaque année, comme on dit le sauveur du monde, on s'adresse à une seule personne. Si on dit le roi d'Israël, David, le roi d'Israël, ce n'est que le fils de Jésus dont on parle. N'est-ce pas? Si on dit au Cameroun que l'homme du renouveau, il s'agit de qui? C'est pour ce de son essence, pour le bien. Donc, quand on dit reine du ciel, il n'y a pas deux personnes à qui ils sont refaires. C'est à cet être-ci. Allons-y, on va voir maintenant ce qu'il en est. On va voir ce que Dieu lui pense d'elle. D'accord? Déjà, ça pose un problème, le fait qu'elle a existé avant Marie. Ça devait vous poser le problème. Parce que quelqu'un qui a existé 800 ans avant, 700 ans avant Marie, et qu'aujourd'hui on vient dire que c'est Marie, ça devait vous faire. Enfin, si vous saviez au moins que c'est ainsi. Si elle a existé, on a déjà resté à une personne qui a existé avant Marie, c'est que ça pose problème. Ça pose problème, n'est-ce pas? Verset 19. Oui. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des cadeaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Intéressant. Donc il veut dire que c'est ça les femmes qui sont dieux, c'est-à-dire que c'est même la volonté, leur mari participe, donc leur mari est d'accord. Ces personnes sont adressées à Jérémie. Il y a Jérémie le prophète ici qui vient leur dire, voici ce que Dieu vous dit, quittez cette femme-là, cette reine, vous allez le servir. Et il dit que non, on va, depuis qu'on a arrêté de le servir, chaque fois que tu nous parles, qu'on arrête, on ne doit pas arrêter, parce que quand on a arrêté, le problème c'est qu'on commence. On va seulement faire, d'abord même, nos maris sont même d'accord. Entre Jérémie et ce groupe de personnes, qui c'est Dieu? Alors je peux dire, qui c'est Dieu? Jérémie. Et ceux-là sont des servis, la reine du ciel. Et remarquant très bien qu'ils étaient trop nombreux par rapport à ce qu'ils servaient Dieu. Jérémie chapitre 7. Donne-lui un livre, verset 18, à haute voix. C'est chapitre 7. Hein. Lisons le verset 16 à 18. Prenons partie du verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Donc voici Jérémie. Dieu en lui dit à Jérémie que n'intercède pas à ce peuple. Dieu va dire le pourquoi il dit qu'il ne prie pas pour eux. Continuons. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Oui. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Vous entendez ça, hein? Vous entendez? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Oui. Et dans les rues de Jérusalem? Oui. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'imiter. Donc, servir la reine du ciel, on a l'indélité. Dieu. Fermez la Bible maintenant. Vous savez qui, en réalité, dans l'église catholique? Priez qui? Vous pensez, vous savez qui? C'est bizarre de le dire, pas vrai? Mais voilà la Bible qui dévoile l'église catholique comme une secte diabolique. Parce que c'est la maîtresse de l'église catholique. Il n'y a pas d'église catholique sans Marie, pas vrai? Bon, maintenant, si on met le nom Marie, on va savoir que c'est la mère de Jésus parce que c'est chrétien, on voit ça dans la Bible. Mais il se dévoile elle-même que c'est cette Marie-là, c'est celle qu'on appelle la reine. La reine de Jésus. Marie de la Bible n'a jamais été appelée reine de Jésus nulle part. Elle a reçu le bâton avec ses enfants. Et puis il est resté dans le silence. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? En plus de cela, même si elle était faite un peu comment, la Bible, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit à ma mère. Et sur la terre, il a toujours appelé femme. N'est-ce pas? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce que vous en dites? C'est plus grave, parce qu'il parle encore, vous allez encore voir Marie, mère de Dieu. Donc, la personne qui l'a créée, c'est elle qui l'a accouchée. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez suivre qui? La parole de Dieu ou la parole de l'Église catholique? La parole de Dieu, bien évidemment, pas la parole de l'Église. Exode chapitre 20, verset 4 dit qu'on ne trouve chez toi aucune représentation quelconque. Tu ne feras aucune représentation des choses qui sont dans les hauts, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous n'en ferez point. Et tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Qu'est-ce que tu en dis après ça, avec ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en dites? Je suis obligé de vous dire ça avant qu'on passe au tatami. Et je vais vous dire le pourquoi. C'est grave. Comment c'est ça grave. C'est grave. C'est grave. Tu connais les maisons des gens où il y a les photos de Jésus, les photos de Marie mises quelque part. Vous pensez que c'est Marie, c'est Jésus? Il y a l'église. Quand on met les photos. Non, laisse d'abord l'église parce que tu n'habites pas là-bas. Je sors à la maison parce que l'église, la Bible nous a montré là-bas que quelque chose ne va pas avec l'église, n'est-ce pas? En plus, c'est moi là où tu dors. Qu'est-ce que tu en dis? Après, cette photo, c'est accroché. Cette photo, cette petite statue est déposée. Et d'autres m'ont ça sur la bague et le bracelet. Qu'est-ce que tu en dis? C'est l'idolâtrie ou c'est pas l'idolâtrie? C'est l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bannir cela. Bannir. On laisse ça à la maison. On dit que ça, c'est un organe de souvenir. Ou bien. On laisse ça à la maison pour faire ça comme souvenir, non? Que ça, c'est la photo de Jésus. Non. Il faut faire, on fait quoi? Enlever les brûler. Vous engagez donc à enlever toutes ces choses de crucifix et tout là pour adorer Dieu en esprit. Jésus a dit, l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Tu peux me représenter Dieu? Je sais, c'est esprit. Bon, représente-le alors. C'est pour cela que Jésus, c'est pour ça que Jésus est venu à l'heure où il n'y avait pas la photo. Parce que s'il venait à cette terre, on devait le filmer, on pouvait savoir ce qu'il est. Mais c'est quelqu'un qui fume la cigarette, couche avec les femmes, même dans votre film de Jésus de Nazareth, l'enfant que vous voyez à 12 ans, c'est une fille qui a tourné la partie. Donc l'enfant que vous voyez au temple à 12 ans, c'est une fille qui a tourné cela. Avec les longs cheveux, une fille. Et là, on dit que c'est Jésus. Après la fin du temps, on voit avec les yeux verts comme ça, là. On le filme, on met là-bas, on dessine. Qu'il a fait comme ça là. Vous pensez que c'est Jésus de la Bible là? Son portrait dans la Bible, on dit qu'il n'avait pas de beauté, il n'était pas beau. Vous avez vu ça de la Bible, non? On se chantait sans vous en rendre compte. Il y a quelqu'un qui a chanté. Il n'avait pas de beauté. Comment? Aïe, aïe. Loué, loué. Comment chanter ça? Chante, chante. Aïe, alléluia. Allez, vous avez chanté ça souvent, non? Allez, allez, alléluia. Il chante la Bible, c'est Isaïe 53. On dit qu'il n'avait pas de beauté, il n'avait pas de beauté pour lui. Il était semblable à celui dont on détourne le regard. Mais lui, il est celui qu'il a raffiné bien beau, comme ça. C'est pas Jésus. C'est un démon que vous dormez avec. Qu'est-ce que vous allez faire, madame, mesdames? Moi, je n'ai même pas les idées, moi, je suis moi. Mais j'ai quand même le chapelet. Donc, tu as quand même vu, ça ne t'a pas esquivé. Donc, tu as quand même esquivé jusqu'à ce qu'il y avait quand même un. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois, le musulman s'assoit, il fait comme ça là. Tant mieux, tu t'assois, tu fais comme ça. Oui. Vous pensez que vous êtes bien, vous n'êtes pas identifié. À son extrémité, il a la croix. Parce que ça, il a la corde, parce que vous avez la corde qui pendait les gens. À votre extrémité, vous avez la croix contre la Bible de Bukhara, c'est une malédiction, la croix. Qu'est-ce que vous en dites? Non, tout ce qu'on veut, c'est suivre la parole. Suivre la parole. Alors, Abraham a dit là-bas qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il a bien dit, s'ils ne les écoutent pas, ils viendront dans ce lieu. Il peut pas la suite, il a dit que s'il ne les écoute pas, il ne se laisserait pas persuader quand bien même un mort ressusciterait. Vous avez la Bible, vous avez déjà pas encore lu ça. Hein? Il y a une qui en vous, mais vous n'avez jamais lu à la maison quand vous lisez votre Bible. Quand on explique comme ça, on comprend. Ouais, mais est-ce qu'il explique quelque chose? Je sens de réitérer ce qu'il a dit. Il a dit d'ailleurs, il y a entre vous et moi. Et nous, un grand abîme, je n'explique rien de ces histoires, je ne le dis à haute voix ce qu'il a fait. Peut-être c'est parce qu'on ne lisait pas à haute voix. Puisqu'on a dit que le riche mourut, il fut enseveli. Lazare mourut, il fut amené par les anges au sein d'Abraham. Où est les deux différences d'enterrement? Donc, sur laquelle on a fait le deuil, c'est-à-dire, waouh, on a pleuré le riche là. Son deuil était comme ça. Mais on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, n'est-ce pas? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On a vu ça là-bas. Mais là, il a dit qu'il souffre cruellement dans ses flammes. Un riche qui buvait, menait joyeuse vie, il pensait que si on met un coup de goût, ça va le rafraîchir. Or, même le bon sens voudrait que si tu approches l'eau là-bas, la chaleur qui est là-bas évapore l'eau. Donc, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'exaucement de prière en enfer. C'est ce que le texte nous montre. Il n'y a pas d'exaucement de prière en enfer. Quand tu pars là-bas, c'est terminé. Et ça montre là-bas clairement que ce sont son œuf sur la terre qu'il a suivi là-bas. N'est-ce pas? Voulez-vous aller là-bas? Si vous vivez comme lui l'a vécu, vous irez certainement là-bas. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu ne regarde pas que tu étais beau ou quoi que ce soit, parce qu'il y a de très belles créatures là-bas. Déjà qu'il n'y a même pas de plus belle créature que Satan. Vous savez ça, moi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus belle créature. Tu vas où? Il n'y a pas de plus belle créature sur cette terre que ce que Lucifer. Alors, si lui-même il serait là-bas, imagine un homme de beauté debout. Il a la beauté angélique. Et là, nous avons la beauté de la poussière. Qui, après 3 jours, l'asticot commence à manger. Attaqué par les différents maux, les boutons et tous les trucs, les acnés qui puissent exister sur la terre. C'est ça qu'on appelle beauté. Après, ils ont mis le savon sur ça, mettez le caribou et autres. On appelle ça beauté. Alors, mais, et Dieu lui dit, si on vit mal, on ira là-bas. Vous voulez y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous pouvez acquitter l'idolâtrie. Même ça vous fait mal, même si c'est l'église paternelle, l'église ancestrale, l'église de nos aïeux et de nos arrière-aïeux. Donc, vous devez quitter là-bas. Donc, quitter. Donnez plus à l'église. Comment comme tu m'as dit qu'il y avait les statues là-bas avec le tout. C'est là où on fait vous pervertir, n'est-ce pas? Donc, sans dire que tu connais que ici, à cet endroit, si on me tue, tu vas toujours y aller. Mais je vais te montrer ce que la Bible déclare, ce qu'il faut faire. Et 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Courage, d'accord? J'aime pas le temps de parler de l'Église catholique. Je vous dis ce qu'on a dit d'elle ici. Comment elle va filer. Ce qui était prophétisé longtemps avant qu'elle vienne sur la terre. C'est écrit là, noir et blanc. Et ce qui va arriver. Comment alors? Parce qu'on laisse nos enfants sans qu'ils grandissent dans. Je vais te montrer. Si c'est pour le plan, je vais te dire la Bible déclare ce que tu vas faire avec l'enfant. Allons au chapitre 6, verset. Lis-nous le verset 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. C'est toi qui vas lire. 14. Il y a des questions qui sont posées là-bas. Tu vas répondre. Ok. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Attends d'abord, on dit ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est quoi une infidèle? Non, c'est lui qui ne fait pas ce qui doit être fait. Voilà. Donc nous avons vu maintenant que les prêtres font ce qui doit être fait ou pas. Non, ils font pas. Donc tu dois les mettre avec. On dit d'abord que tu ne fasses pas quoi? Car Non, attends, j'ai posé une question. Il dit, on dit, ne vous mettez pas, pas bien, hein, avec pas, les. On doit plus les suivre. Ah, continuons le développement. Même toi, tu peux les apprécier. Hein. Oui. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui, tu peux répondre. Y a-t-il un rapport? Pas de rapport. Est-ce qu'on peut mélanger la justice et l'iniquité? Non. Continuons. Oui, continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand vous êtes là-bas, tout ce qu'on vient de faire depuis, c'est ténèbres ou c'est lumière? C'est ténèbres. Et que, ben, quel rapport donc y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Parce que c'est la parole qui est la vérité. La Bible déclare dans Psaume 105, Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole. Et là, maintenant, on pose la question, quel rapport entre les ténèbres et la lumière? Mm-hmm. Oui. Continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et Bélial. Et Bélial. Donc, tu vois, le chef ici, qui contrôle le ténèbre, on l'appelle Bélial. Celui qui contrôle la lumière, on l'appelle Christ. Y a-t-il un accord entre eux? Non. Bon, ça veut dire que là où vous êtes là, soit vous êtes dans les ténèbres, ou bien vous êtes dans la lumière. Soit Christ est votre chef, soit c'est Bélial qui est votre chef. Non, on n'est même pas obligé. Oui, mais tout à l'heure, on a lu tout à l'heure qu'il n'y a pas de purgatoire, non? Je suis encore purgatoire. Continuons. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Stop. On parle du fidèle et l'infidèle. Donc, dans cette assemblée, quand vous allez réunir, les gens qui font là-bas, qui font ces choses, comment, à quoi sont les fidèles ou les infidèles? Les infidèles. Maintenant, si tu veux être fidèle, tu vas encore entrer là-bas. Continue, c'est pas fini. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Regarde-moi. Tu as entendu ce qu'on a dit là? Quel est le rapport qu'on trouve dans le temple de Dieu, les idoles? C'est écrit noir et blanc dedans. Quel est le rapport dans l'eau? Il n'y a pas de rapport. Continuons. Maintenant, qu'on va suivre. Nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dit. Alors continuons. C'est pourquoi rester au milieu d'eux. Non. Il faut bien lire ce qui est écrit. C'est pourquoi sortir du milieu d'eux. Vous voyez que Dieu n'a pas badiné, n'est-ce pas? Après avoir décrit cela, il dit ce qu'il faut faire. C'est pourquoi sortir du milieu d'eux. Continue, c'est pas fini. Non. Oui, tu tournes la page. Sortez du milieu de Dieu. Et séparez-vous. Regarde bien. Vous avez deux mots. Sortez et séparez. C'est pour cela que vous voyez, les gens croient. Il y a la pensée que quand on a grandi quelque part, on a toujours intérêt. Même quand les gens habitent dans une maison, ils ont du mal à quitter la maison parce qu'ils sont déjà habitués. On ne peut pas faire autrement. Cette nostalgie. Il faut vérifier, parce que la nostalgie, quand tu seras en enfer, le riche là, quand vous avez vu quelque part, il a parlé ses biens, il a parlé ses voitures sur la terre, son héritage, il défendait son âme parce que c'était fort celui là. D'abord, il ne peut même pas proposer l'argent parce que sort l'argent même de sa poche, même ça va brûler. Pas vrai? Ça veut dire que là-bas, l'argent ne sert à rien. Les relations ne servent à rien. Tous les gens qui étaient sur la terre qui ont pleuré, il farot comme étau. Quelqu'un était là pour le défendre? S'il avait un ami qui était juste sur la terre qui pouvait fermer les gens, quelqu'un était là pour le défendre? Romains 14, verset 2 dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Personne ne sera devant toi pour dire que, ouais, Seigneur, laisse Jimmy, laisse-nous Carrie, laisse-nous telle personne. Personne ne sera là. Tu vas rendre compte pour toi-même parce que chaque personne a son empreinte. Et chaque fois que tu vas finir ton travail sur la terre, tu vas signer tes propres empreintes. Tout ce que tu touches est marqué de ton empreinte. Tout ce que tu touches est marqué de tes gènes et tes ADN. Donc personne ne viendra te justifier. Il dit, sortez du milieu de elle. Quand on sort, on se sépare. Donc, on ne sait pas tout ce qu'il est en contact avec eux. Vous avez n'importe quoi qui est en contact. C'est pour ça que vous voyez toutes ces choses. Ce sont les gens qui se séparent. Ils viennent ici, ils mettent. Je garde ça pour vous montrer. Parce que s'ils restent ici, s'ils étaient comme ça, il dit qu'à l'église catholique, on dit que la Marie, quand on dit là, c'est le démon, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça qu'ils gardent ça. Pour quand vous venez, vous lisez, j'ouvre, je vous montre, vous voyez. Si vous croyez, vous croyez. C'est votre problème. Si vous ne croyez pas, c'est encore le problème. Vous aurez écouté Moïse. Vous voyez? Vous aurez écouté. Et parce qu'on a dit, si vous ne les écoutez pas, c'est sûr et certain qu'ils viendront là-bas. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Il va continuer, c'est pas fini. Dis-le. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Qui a dit? Le Seigneur. Donc vous avez remarqué qu'on n'a pas dit le frère Junior, non? On n'a pas écrit là, dit le frère Junior. Donc le Seigneur dit que toi, tu fais quoi? Sortez-les et séparez-vous. Non, pas sortez d'eux. Non, quand toi tu es en train de lire, Dieu en train de te dire quoi à toi personnellement? Parce que la Bible s'adresse à toi. Quand tu lis, c'est pas pour les autres. Il te dit quoi? De sortir de ce milieu-là. Et? Comment encore? Et te séparer. À toi, qu'est-ce que Dieu te dit là, ma chère? que tu restes forme les prêtres pour que les prêtres connaissent la vérité. Eux, ils connaissent la vérité, ils savent. Ils font les théologies, ils font les théories, les théologies, ils font les psychologies. Mm-hmm. La majorité d'entre eux, c'est le professeur de français, le professeur de grec, ils connaissent toutes ces choses. Mm-hmm. Donc, la majorité d'entre eux ne croient même pas à la Bible. Mm-hmm. Moi, tu dis, ils ne croient même pas à la Bible. Ils sont seulement les anciens. C'est pour ça que Padre peut fumer, coucher avec les femmes, parce que là-bas, c'est dit clairement que ceux qui prêchent doivent être des modèles du troupeau. Ils ne sont pas prêchés, ce sont les fonctionnaires de l'Église catholique. Ce sont des fonctionnaires. Ils font un travail, ils viennent faire un culte de lui, comme Rome a dit. Il se lève, il dépose un livre devant lui, il fait des rituels. Quand il se tourne, vous savez ce qu'il va faire. Quand il se baisse, vous comprenez ce qu'il va faire. Chaque jour, chaque dimanche, c'est amusant, vous devez vous réfléchir. C'est-à-dire que vous pensez que Jésus est sur la terre pendant que les marchés, tu peux prévoir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que vous allez dimanche, quand tu entres, tu mets la main à droite, tu mets l'eau sur toi. On met l'eau pour bloquer bien, pour que tu sois bien têtu. Il jette encore sur votre visage pour que ça n'esquive personne. Si quelqu'un esquive à la porte, qu'il n'esquive pas par ici. Quand tu t'assois là-bas, le sommeil, tout ce qu'on voit là-bas, le spirit, tout ça, on ne comprend même pas. Tu fais le rituel, tu achètes une petite brochure, après tu sors. Le jour des fêtes des rameaux, tu achètes des rameaux. Tu te poses la question de rameaux, c'est quoi? Il dit, mais c'est la fête des rameaux, ça veut dire quoi? Ça se trouve nulle part dans la Bible. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes. Il dit, j'ai pas le temps, je vais ouvrir le passage où on parle d'elle en la décrivant comme une prostituée. L'Église catholique, et là, on va finir en enfer. L'Église catholique, c'est écrit là-dedans. Tout ce que j'en ai parlé, ce sont seulement les éléments de l'Église catholique comparés à les Écritures. Je ne vous ai pas parlé des passages qui la concernent. On a pris les éléments qu'ils enseignent parce que si je me dis quelque chose, pour qu'ils sachent si c'est vrai ou pas, il faut qu'ils sachent si c'est la parole de Dieu dit. Si c'est la parole de Dieu, ne dit pas tout ce que le Baba, c'est pourquoi. Puisque quand tu passes chez le marabout dit la vérité, non? N'est-ce pas les marabouts qui sont la vérité? Mm-hmm. Alors quand ils disent la vérité comme ça, là, mais Dieu a interdit d'aller là-bas, alors franchement, qui a de leur dit la vérité là? Vous allez chez le marabout, vous asseyez. Il dit, voici ton problème. Et tu vois que c'est vrai. Mm-hmm. Il y a tel collègue qui est comme ça, il te persécute, n'est-ce pas? Mm-hmm. Okay. Le marabout dit, waouh, il m'a dit ce qu'il veut, mais Dieu interdit d'aller chez lui. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui dit des choses. Donc Satan ne dit pas toujours le mensonge. D'accord? Dans la Bible, on a vu quelqu'un, une femme qui avait l'esprit de Python qui divinait. Elle a même vu l'apôtre Paul. Il a dit, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Elle disait la vérité. La Bible déclare que Paul, fatigué, s'est tourné vers elle et dit, quand je te donne au persécuté Python, sors d'elle. Il sortit à cet instant. Donc pourtant, elle disait la vérité aux gens. Mais c'était un esprit de Python. Donc, Dieu ne dit pas que ne partez pas chez les marabouts parce qu'ils disent le mensonge. C'est pas le pourquoi. C'est parce que l'esprit qui dit ces choses-là ne vient pas de Dieu. Et si vous allez là-bas, le but de ces esprits-là, c'est vos âmes. Pour que quand vous allez mourir, ils vous écaillent en enfer pour dire, c'était moi qui t'avais dit tes choses. Tu étais content, non, puis ton mari. Vous voulez ça? Finissons là. Mm-hmm. Il a dit, sortez du lieu d'eux et séparez-vous. Et dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Stop. Donc, si vous allez là-bas, vous allez toucher quoi? Ce qui est impur. Donc, quand tu fais le signe de croix, c'est comment? Vous comptez les rosaires en résistant, c'est impur. Tu pries pour les morts, c'est impur. Et il dit, et je vous accueillerai. Il n'y a que deux façons. Vous restez là-bas, il vous laisse tranquille. Vous sortez, il vous accueille. Ferme la Bible. Donc vous voyez que vous avez besoin de repentance parce que vous avez adoré les démons. Tous ceux qui servent dans l'Église catholique adorent les démons, que tu l'admets ou pas, que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est interdit de prier une autre personne en dehors de Dieu. Mais vous priez Marie. Ça ne va pas vous prier les saints, vous priez même les archanges. Vous priez les anges. Alors qu'on ne doit pas commander les anges. On dit qu'on invite tel ange tel jour. Pas vrai? Et la Bible déclare que les anges doivent recevoir le message de Dieu pour venir. Marie n'a pas prié l'ange Gabriel pour que l'ange Gabriel vienne. Puisqu'elle était supplie de la visitation. Elle est là. L'ange, d'abord on commence par Zacharie. Zacharie est en train de faire son service tranquillement. L'ange s'est tenu là-bas. Il dit que Zacharie, ta prière a été exaucée. Il était la frayeur. Ta prière a été exaucée. Il n'a pas adressé de prière à un ange. Il priait chaque jour pour l'enfant. Pour l'enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Je suis vu en avancé un ange. Dieu a envoyé un ange pour venir lui dire qu'ok, on t'a exaucé. Il n'a pas demandé aux anges. Marie restait tranquille, peut-être en train de faire le prix pour son mari. Mais si je bon. Marie, toi qui une grâce a été faite. Pas qu'elle est pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce, c'est un blasphème. Marie n'est pas pleine de grâce. Celui qui est la source de grâce, c'est Dieu. Celui qui accorde les grâces. Il dit, toi à qui une grâce a été faite. Donc on t'a fait une faveur. Maintenant vous tournez. Dites que Marie, elle est pleine de grâce. C'est pour ça que ça pousse les gens à aller là, parce qu'on a, on va vers, parce qu'elle est pleine de grâce. Elle peut donner les grâces. Elle a reçu une grâce parmi les autres femmes. Puisqu'elle n'était pas seule en Israël qui était vierge. Au temps d'Israël, c'était normal qu'une femme, c'est la norme, c'était qu'une femme va au mariage étant vierge. Pas comme maintenant, à 13 ans, les gens ont déjà deux enfants. Vous comprenez? Donc, Marie n'est pas pleine de grâce. Marie n'a pas prié un ange. Parce que l'ange, quand elle dit, mais que signifie cette salutation? Elle était surprise même de la visitation de l'ange. N'est-ce pas? Ça, c'est la Marie de la Bible, pas la Marie de l'Église catholique. Parce qu'on a clairement vu que celle dont l'Église catholique parle, c'est la reine du ciel, donc c'est un démon. On prend seulement les traits de Marie. Chaque fois, on met le nom, peindre là-dedans. J'ai pas le temps, je vais prendre encore une autre là-bas pour vous montrer clair ce qu'il en est. Alors, l'ordre à qui doit, il ne peut pas donner un ordre plus grand que Dieu. Il a dit, c'est pourquoi, c'est que lorsque dit le Seigneur, sortez du milieu de Dieu. Il ne demande pas, voulez-vous sortir de là-dedans? Il n'a pas dit que voulez-vous vous séparer. Il dit, sortez du milieu d'elle et séparez-vous. C'est un commandement, oui ou non? Et ne touchez pas ce qui est un peu et je vous accueillerai. C'est pas fini, la phrase n'est pas finie. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Le verset 18 s'arrête là-bas du chapitre 6 des 2 Corinthiens. Donc, si vous avez vos grands-pères ou n'importe qui est catéchiste, vos amis qui sont catholiques ou de là-bas, dites-leur la vérité que désormais, en fait, d'abord sortez, d'abord vous mettez. Après, va sortir. Ça va vous faire mal parce que c'est la religion d'enfance. J'aime ça. C'est la religion d'enfance. Je suis né catholique. Mon sang est catholique. J'ai baptisé, confirmé. Confirmé pour là où le riche était. C'est en réalité ça. Quand je vois les gens dire ces inepties dehors, je suis extrêmement pitié. C'est pour ça que à certaines personnes, si vous ne venez pas chez moi, vous ne pouvez pas voir, vous lui dire que sortez des catholiques, je ne dirai pas. Si vous asseyez pour que je vous parle, je prends doucement jusqu'à ce que vous compreniez c'est quoi les questions. Parce que dehors, on dit aux gens, non, vous êtes là pour juger. Vous êtes là pour juger. Vous avez vu que la parole vous a jugé, vous a présenté coupable, vous a donné un verdict coupable, non? Non seulement coupable avec complicité de l'Église catholique. L'Église catholique coupable par rapport à la parole de Dieu. C'est l'église, la République qui le dit. Parce que quand il dit sortez du milieu d'elle, ça montre que cet endroit n'est pas bon. Si il séparait vous, ne touchez pas ce qui est impur, ça suppose que c'est impur. Il pose la question, quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce que ça fout là-bas? Il dit que Dieu lui dit qu'il y a deux endroits, le paradis et le feu. Il dit que non, l'intermédiaire là, c'est le goudron. C'est ça le purgatoire, parce que vous allez en marche pour aller quelque part. Il dit que c'est pas le goudron, il n'y a pas le pont là-bas. Vous dites qu'il y a le pont. Donc le purgatoire, c'est un troisième lieu, un pont, en quelque sorte. Comme ça nous permet de quitter d'un lieu à un autre. On va prier pour les âmes du purgatoire pour qu'ils soient purgés, que leurs péchés finissent. Or, la Bible déclare que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous rend parfait pour l'éternité. Le sang de Jésus nous rend parfait. C'est ici. Quand ça sera appliqué sur toi, sur ton péché, tes péchés sont pardonnés. Dieu met tes péchés dans la main de l'oubli. Donc il n'y aura plus rien qui va te retenir. Mais là, il faut prier au fur et à mesure que vous priez sur la terre. Il monte. Là-bas, on ne monte pas. L'enfer, c'est en bas plutôt. Là-bas, l'ange a porté dans le sein d'Abraham. Et l'autre est descendu. Donc, c'est deux endroits opposés. Et entre ça, il y a le vide. Vous comprenez? Les enfants font quoi alors? Carte de baptême, vous brûlez. Il faut que vous vous repentez, vous soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus. Parce que vous n'êtes pas encore baptisé. Baptisé au nom du Seigneur Jésus. Oui, c'est ce que la Bible dit. Parce que vous n'avez pas le bon comment. Même une seule fois, vous n'avez jamais été baptisé. Vous êtes baptisé à l'église catholique. Ça, c'est clair que c'est à l'église catholique. Quand vous étiez baptisé. Baptisé, confirmé. Tu as été confirmé. Pas encore. C'est grave, hein. Tu es communié. Non. Ah, c'est très, très grave. Donc, moi, je n'ai les deux là, non. Baptisé et communié. Oui, baptisé et communié, oui. Hein. Baptisé et communié. Ah, oui, encore, oui. Baptisé et communié, on jubilait, on jubilait. La confirmation qu'on faisait après. Bon, après, c'est quoi la confirmation selon toi? Tu sais ce qu'on appelle la confirmation? C'est quoi la confirmation? Et qui donne le sacrement de confirmation? Parce qu'il y en a sept sacrements. Mm-hmm. Sacrement de confirmation, qui la donne? L'évêque. Ok, c'est bien. C'est quoi la confirmation? Vous connaissez ce que c'est que la confirmation? Vous parlez seulement juste. Que je suis baptisé, communié, confirmé. Donc on va aller sur le. On va voir le premier pas. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est la première avec Dieu. La page 89 nous parle de le sacrement de la confirmation. D'accord? Nous avons dit le sacrement de la confirmation. Vous voulez qu'on continue toujours? Parce que Dieu nous a enseigné que c'est impur. Donc même si on touche n'importe quoi là, c'est impur seulement. Bon, que... Quoi? Le côté des protestants, ça alors comment? C'est encore très grave parce qu'ils sont allés protester. Ils protestent contre les catholiques, pour eux c'est encore grave. Donc, le jour où il y a un protestant, il vient finir avec toi, il touche là-bas, il te tourne sur lui. Puisque les protestants disent, vous avez le même credo. Le seul endroit où vous avez ces différences, c'est que quand vous lisez, au niveau de je crois à Dieu le Père, au Dieu Tout-Puissant, quand vous finissez là-bas, vous dites, rien de réveillé là, vous dites, je crois à la Sainte Église. Quoi? La Sainte Église est appelée catholique. Dans leur liturgie et dans leur, vous appelez compendium, ils disent, je crois à la Sainte Église universelle. Mais l'Église catholique veut dire, donc en fait, les protestants sont les. Les protestants sont les catholiques moins Marie. C'est la seule différence. Si on prend Marie, on met à l'église protestante, c'est le catholique. Donc en fait, c'est les soeurs qui se ressemblent seulement. Il y a seulement les soeurs que le nez de l'autre est plus long. Donc nous disons la page 89 des compétences de l'église catholique, le sacrement de la confirmation. Donc le chapitre 1 traite des sacrements de l'initiation chrétienne. Comment se réalise l'initiation chrétienne? Il n'y a pas l'initiation chez les chrétiens, c'est la sorcellerie. On n'initie pas les chrétiens. D'accord? Elle se réalise par les sacrements qui posent le fondement de la vie chrétienne. Renés par le baptême, les fidèles sont fortifiés par la confirmation et se nourrissent de l'Eucharistie. Waouh, vraiment. Le sacrement du baptême. Quels sont les noms du premier sacrement de l'initiation? Il prend d'abord le nom de baptême en raison du rite central de la célébration. Baptisé, écoutez, écoute bien. Écoute bien. Ça, c'est le compendium. La page, on est où là? Donc, ça, c'est la page 88. Donc, ici, c'est la page 87. Regarde bien. C'est là, noir et blanc devant vous. C'est, on était où là? Baptême. Non. Il est baptisé. C'est toi qui dois lire. Lis toi-même à haute voix. Il prend d'abord le nom de baptême en raison du rite central de la célébration. Oui. Baptisé veut dire plonger dans l'eau. On a dit, dans l'église catholique, on a dit quoi? Plonger dans l'eau. C'est ce que le mot baptême veut dire. Mm-hmm. Je te pose la question directe. Mm-hmm. Tu as été plongé dans l'eau? Non. Tu as été plongé dans l'eau? Mm-hmm. Si ce n'est pas la malhonnêteté ici, c'est quoi donc? Baptisé veut dire? Plonger dans l'eau. On t'a plongé. Mais tu as ta carte de baptême pour certifier que tu as été baptisé. Mm-hmm. Tu as ta carte de baptême pour certifier que tu as été baptisé. Et ce jour-là, on a dit, t'es baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mm-hmm. Mais eux-mêmes, ils disent clairement que baptisé veut dire plonger dans l'eau. Mais on te baptise sans te plonger. On t'a baptisé. Dans la Bible, Jésus a été baptisé en faisant quoi? En attrapé dans l'eau. Et vous dépassez Jésus. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà les preuves. Voici ça devant vous. C'est pour ça qu'il vous dit que vous, on vous lisez. Alors, vous pensez que qu'est-ce que ceux-ci sont de faire pour vous et contre vous? Jésus dit dans Luc chapitre 6, verset 40 à 49, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Bon, les gens, si eux, ils ont dit que baptiser normalement, c'est plonger dans l'eau. Dans la pratique, ils ne le font pas. C'est quelqu'un d'honnête ou c'est un infidèle? C'est un infidèle. Donc ça, c'est le numéro 252 de la page 87 des compétitions. Parce que c'est les thèmes. Ces thèmes-là sont dans toutes les compétitions. Quels sont les noms du premier sacrement de l'initiation baptême? Baptiser, ça veut dire plonger dans l'eau. Mais nous, on verse sur la tête. Alors, vous allez entendre quelqu'un dire, je suis baptisé. Chez nous, nous baptisons par aspersion. Donc, baptiser qui veut dire plonger dans l'eau. Donc, eux, ils plongent en aspergeant. Ça a un sens. Non, vous les églises, vous plongez les dents dans l'eau. Mais nous les catholiques, ne discutez pas pour les gens. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Vous défendez la sorcellerie. Non, vous les églises, réveillez. Vous dites qu'on plonge les gens. Et vous savez très bien que le modèle c'est Jésus. Jésus a dû quitter la Galilée pour venir faire Jean-Baptiste pour être plongé par lui dans l'eau. Et eux-mêmes ils disent ici que baptiser c'est plonger dans. Mais quand vous ne connaissez pas, ils disent non, chez nous, je vous baptise. L'important c'est qui est l'eau. Pourquoi jusqu'à laisser l'eau depuis là en Galilée, il a traversé le cours pour venir jusqu'à là où Jean-Baptiste était là? Pourquoi lui, le Dieu Tout-Puissant, est venu jusqu'à lui pour être. Même Jean-Baptiste l'a vu être mère. Moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé et c'est toi qui viens à moi. Il a dit laisse faire. Il est convenable que tout nous faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste n'a plus résisté, il l'a baptisé. Quand il sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit, il sortit de l'eau. Après être entré dans l'eau, il sortit de l'eau. Ce qui est curieux, c'est que eux me disent ici, c'est grave. Même si le passage, je dis qu'on parle de dictature, s'il lit dans le livre de Tob, le livre de Tob, ils interprètent clairement qu'on parle de Rome. Alors, ils disent baptiser, c'est plonger dans. Je croyais que c'est ils devaient mentir au moins d'abord, parce que le mot étymologiquement, ça veut dire immerger, plonger. Baptiso en grec, ça veut dire immerger. Il ne peut pas faire autrement, parce que il y a les Grecs comprennent leur langue. Tu ne peux pas prendre, parce que c'est écrit en grec dans la Bible. Tu ne peux pas dire que baptiser en grec, ça veut dire asperger. Quand ça va, la version là, par chez les Grecs, c'est le mensonge. Donc au monde là, ils savent qu'ils ne peuvent pas mentir. Mais le problème, c'est que la supercherie, c'est ceci. Vous vous baptisez par immersion. Nous nous baptisons par aspersion. Si tu donnes ce téléphone, c'est que plonge-moi ça dans l'eau. Il y a deux façons de le faire. Est-ce qu'il y a deux façons de plonger? À ton avis, qu'est-ce qu'il va parler les prêtres et les papes? Vous voyez comment ils sont de juger l'église catholique, non? Je juge ça bien, n'est-ce pas? Comme vous dites souvent. Bon, et il se déclare coupable. Celui qui est baptisé est plongé dans la mort du Christ et il est ressuscité avec lui comme créature nouvelle. On l'appelle encore bain de la régénération, de la rénovation, l'illumination, parce que le baptisé devient fils de la lumière. Donc, vous convenez à moi que vous n'avez pas encore été baptisé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma chère? Donc, vous devez commencer par l'acte de repentance, puis le baptême. Comment le baptême est-il préfiguré dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, on trouve diverses préfigurations du baptême. L'eau, source de vie des morts, l'âge de Noé, qui est sauvé par les eaux, le passage de la mer rouge, ainsi de suite. Ici, on dit, quel est le rite, c'est le 56 maintenant qui dit, quel est le rite essentiel du baptême? Le rite essentiel de ces sacrements consiste à, bien, c'est vous les catholiques, moi, c'est pas moi qui ai fait. Vous avez remarqué que j'ai entouré ici, non? Approche, ma chère, lis la question qui se pose. Parce que chaque fois qu'il pose des questions, il répond. Allons-y. Quel est le rite essentiel du baptême? Oui. Le rite essentiel de ce sacrement consiste à plonger dans l'eau le candidat ou à verser de l'eau sur sa tête en prononçant l'invocation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, après avoir défini le baptême comme le fait de plonger dans l'eau, ils mettent alternativement, on met le candidat dans l'eau ou l'asperger. Vous voyez? Ou même vous avez vu, non? C'est sérieux, ça? Oui, c'est sensé du baptême. On va continuer jusqu'au sacrement. Le sacrement de la confirmation. Nous sommes à la page 89. Quelle est la place de la confirmation dans le dessein divin du salut? Dans l'ancienne alliance, les prophètes ont annoncé le don de l'Esprit du Seigneur au Messie attendu et à tout le peuple messianique. Toute la vie et la mission du Christ se déroulent dans une totale communion avec l'Esprit Saint. Les apôtres le reçoivent à la Pentecôte et annoncent les merveilles de Dieu. Acte chapitre 2. Par l'imposition des mains, ils transmettent aux nouveaux baptisés le don de l'Esprit lui-même. Tout au long des siècles, l'Église a continuellement vécu de l'Esprit et l'a transmis à ses fils. Pourquoi parle-t-on de chrismation ou de confirmation? On dit chrismation. Tu as entendu parler de ça d'abord? Bienvenue les catholiques. Donc les catholiques non pratiquants. Ou une catholique non persévérante. Voilà votre doctrine. C'est pas moi qui écris, non? N'est-ce pas? Dans les églises orientales, on parle de chrismation avec le Saint Myrion, qui veut dire Saint Crème. Donc, pour expliquer quelque chose qui est compliqué, ils expliquent avec ce qui a davantage compliqué. Pour te faire, pourquoi tu dis, je ne comprends pas, mais on laisse. Parce que le rite essentiel en est l'onction. On l'appelle confirmation parce qu'elle confirme et renforce la grâce baptismale catholique. Vous avez tué. Continue, quel est le rite essentiel de la confirmation? On va voir, comme on a parlé pour le baptême, on va voir si. Le rite essentiel de la confirmation est l'onction avec le Saint Crème. Qu'est-ce qu'on appelle le Saint Crème? L'huile parfumée consacrée par l'évêque. Après avoir dit en haut que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Et que les croyants les apôtres imposaient les mains aux gens pour qu'ils reçoivent ce clameur, cet esprit. Il dit maintenant que comment l'Église fait pour elle, par le Saint-Crème. Il dit c'est quoi le Saint-Crème? C'est l'huile parfumée consacrée par le prêtre, dans une huile. Quand on a mis le parfum dedans, le prêtre a dit que je consacre cette huile. Quand il prend cette huile, s'il met sur toi, tu vas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'huile maintenant, le parfum du prêtre. Et dans votre, je crois à notre Père, vous croyez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et nous le voilà dans le parfum, de l'huile parfumée. Courage, d'accord? Courage. Courage vraiment. En Occident, cette onction est faite sur le front des baptisés avec ces paroles. Sois marqué de l'Esprit Saint. Donc l'huile parfumée, c'est l'Esprit Saint. Ouais, pourquoi vous êtes têtu avec Dieu, non? Parce que l'Esprit Saint qui venait sur le Coran les conduit dans la vérité. Les premiers il dit les merveilles de Dieu. Mais pour vous, ça vient quand tu dis à Dieu, tu ne comprends pas. Vous comprenez effectivement quand vous mettez l'esprit de tétutesse et l'esprit de rébellion envers Dieu. Donc, qu'est-ce que vous en dites alors? Parce qu'on va passer au tatami tout à l'heure pour enlever tous les esprits qu'il y a là-bas. Vous êtes d'accord, non? Donc, ça, pour vous avez prié les mots. Vous avez prié les esprits. C'est la Bible qui a dit. Vous vous êtes souillé avec elle. Pas étonnant que vous ouvrez la Bible une fois que vous baillez cette fois. Parce que les esprits fuient d'abord. Ils disent que sortons d'abord parce que c'est grave, c'est grave. Quand vous refermez la Bible, ça revient. Vous êtes fatigué, vous êtes à l'aise. Votre corps devient une porte d'entrée des nappes et des piscines pour les démons. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Non? Le pourquoi j'ai fait qu'on voit tout ceci, c'est parce que Jésus a dit, lorsqu'on chasse un esprit dans un corps, cet esprit part cherchant où va y aura le repos. S'il ne trouve pas, il va dire qu'il va revenir. Là, ça ne sert à rien qu'on chasse les esprits dans vos corps et que vous conduisez encore dans l'idolâtrie. Il vient, la Bible déclare, et s'il vient, il trouve la maison balayée et ornée, il s'en va chercher sept autres esprits plus méchants que lui et revient s'installer. Et il dit, la dernière condition de cette personne est pire que la première. Donc, si tu avais 20 démons, au lieu de chasser 20 démons et qu'ils rentrent cette fois-ci dans 140, mieux on laisse les 20, n'est-ce pas? Vous entendez donc que les gens sont allés à la prière, on a prié pour un de ces jours, on a trouvé folle. Vous ne comprenez pas pourquoi. On cherche des bons qui sont là, oui ou non. Si vous ne voulez pas, on arrête d'abord, vous allez réfléchir véritablement. C'est parce que si vous sortez de là, parce qu'elle a dit ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueille, parce que les esprits, on dit, les esprits, Jésus chassait les esprits impurs des gens, parce que les gens sortent, vont se tamponner avec les esprits, ils viennent habiter en eux. Parce que si on chasse des démons là, et que vous allez encore les embrasser là-bas, les faire bisous en route là-bas avec le Saint-Sacrement et au-delà, comme on a vu là, les Saint-Marion, c'est Saint-Marion, c'est Pygmalion. Si vous faites cela, ça va devenir encore plus grave. Donc réfléchissez-y. Si vous aimez tellement l'Église catholique, au point où vous aimez tellement les démons. On n'est pas tellement l'Église catholique. C'est quoi alors? C'est la Bible. Mm-hmm. C'est la Bible. Oui. Vous ne vous attendiez pas à ça aujourd'hui comme ça, n'est-ce pas? Non. C'est vraiment une gifle, une claque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il faut bien que. Dieu a déjà donné la solution. Lui. Je ne peux pas dire plus que lui. C'est quoi? C'est toi qui as lu ça. Il a c'est pourquoi? C'est pour se séparer des églises, mais on ne peut pas non plus rester comme ça. Il a promis quelque chose. Quand tu as fini de lire, tu n'as pas bien compris. C'est pourquoi sortez du monde et séparez-vous. Il a dit qu'il va faire quoi? Et je vous accueillerai. Tu ne peux pas rester dedans et dire que je sors, je pars. Ou il a d'abord dit de sortir. Et il va t'accueillir. Donc ne reste pas à l'intérieur. Comme on a dit que et je pars. Ou il a dit sortez et je vous accueillerai. Il donne le commandement de sortir. Il donne la promesse de t'accueillir. Il va t'accueillir. Il ne va pas dire que sortir par tel endroit. Il a d'abord demandé de sortir. Point. C'est la Bible, non? Je ne peux pas dire plus que Dieu. Il ne connaît pas mieux que lui. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Il connaît ce qu'il a prévu pour moi. Il connaît ce qu'il a prévu pour nous tous ici. Il a dit, sortez du milieu d'elle, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Point final. Ne me dis pas qu'il va sortir, que tu sors maintenant, tu pars chez le full gospel ou bien tu parles. Ben, c'est pas ça parce que quand on va te toucher pour eux, c'est encore très grave. C'est encore plus grave là-bas que l'Église catholique. Donc, fais ce que Dieu a dit. Dieu a dit, sortez du milieu d'elle, il va vous accueillir, sortez, il va vous accueillir, séparez-vous de ces choses-là. Ou bien vous restez là-bas parce que si vous avez la nostalgie d'aller quelque part dimanche, parce que dimanche on part. Allez. Regardez les enfants dont vous parlez tout à l'heure. Les enfants naissent, au lieu de les laisser venir à Jésus, vous les emmenez dans la tétutesse. Comme vous entraînez aussi à l'intérieur des faux, vous entraînez aussi vos enfants dans le faux. Quand vous grandissez, vous entraînez les enfants dans le faux. Pourquoi les âmes vont périr là-bas? Laissez les enfants tranquilles entre les mains du Seigneur. ce que vous devez faire, c'est que vous, la Bible déclare, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Dieu n'a pas demandé que tu parles de l'enfant au pasteur. Il n'a pas demandé qu'on amène l'enfant à l'église. Dans Matthieu chapitre 19, on amène les enfants avec Jésus, que Jésus prie pour eux. Les disciples l'ont empêché. Il dit que laissez les enfants venir vers moi. Tu vas suivre. Il a dit laissez les enfants venir. Il n'a pas dit amenez les enfants vers moi. Il a dit que laissez les enfants. Ne les en empêchez pas. D'accord? Vous voyez, effectivement, vous voulez faire bien, mais vous faites justement des mauvais côtés, n'est-ce pas? Ce que vous devez faire, c'est après être repenti maintenant, vous étudiez vous-même la Bible. Parce que la Bible déclare dans Proverbes chapitre 1, il dit que on donne le conseil à l'enfant d'écouter les enseignements de sa mère et les instructions de son père. Donc vous devez être instruit pour savoir comment gérer votre famille, comment gérer votre foyer, comment gérer les enfants. C'est dans la Bible. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si toi-même tu ne connais pas les instructions du Seigneur, qu'est-ce que tu dois dire à l'enfant pour qu'il obéisse? Vous entendez des mamans qui disent à une fille, ça fait longtemps que tu es dans cette maison, tes camarades sont déjà mariés, va chercher les hommes dehors. C'est un bon conseil ça. Mais là, si l'enfant doit lui obéir, vous voyez ce que le parent peut devenir? Parce que le parent ne connaît pas la volonté du Seigneur, il peut faire que les enfants font n'importe quoi. Donc vous êtes pour responsabilité d'abord, ne courez pas devant les enfants. Non, il faut que je fasse comme ça. Vous devez d'abord être régénéré vous-même. Vous devez être positionné. Jésus a dit qu'un aveugle peut-il conduire si un aveugle allait marcher, dit que gars, Jeff, aie confiance, travaille avec moi. Est-ce qu'il a vu la voiture qui est venue à 125 km/h? Il dit non, viens. Si tu es aveugle, tu vas dire mon ami, traverse d'abord, si tu entends comme. Il sait que quelque chose, tu n'as pas bien traversé. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc tu peux arrêter le même aveugle, tu vas dire viens, fais confiance, je connais l'endroit-ci. Comme on a à Douala où les routes se creusent chaque fois, peut-être tu es passé par une fois, deux fois, le lendemain. Ça s'est creusé. Et si tu connais que dans un endroit, c'est creusé. Donc, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc, ce que tu vas faire, c'est t'arrêter. Si tu es aveugle, tu ne peux pas conduire ton enfant. Parce que la preuve, elle est que voilà où vous vous trouvez. Si depuis, quand tu dois rester les roses, peut-être l'enfant a sommé tranquillement pour reposer son petit cerveau. Tu dis, assieds-toi là-bas, récite. C'est de Marie, mais de l'enfant, dit, maman, c'est dans son cœur, maman, c'est dérange. Mais il va faire comment, puisque tu lui dis, réciter. Mais toi aussi, tu faisais, sachant que c'était quelque chose de vrai. Mais tu es de l'entraîner dans la fausseté. Donc, tu vas rentrer à la maison, tu dis aux enfants que tout ce qu'ils vont faire là, c'est tout le faux. Il faut qu'on arrête. Et vous sortez cela, vous dites aux enfants pendant que tu es sorti, parce qu'on a dit là-bas que les enfants ramassent du bois. Les femmes prennent le pain, vous font quoi pour le règne du ciel. Donc, c'est une association de sorcellerie familiale. Donc, appelez les enfants, comme vous avez participé aux enfants, appelez les enfants que prends-moi le tableau là, et prends-moi Marie là-bas, prends ce qui brille là-bas, tu viens, viens, prends l'allumette, l'autre prend l'allumette, l'autre prend le pétrole, vous mettez ensemble. C'est, maman, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. On nous a demandé de brûler. Qu'à partir d'aujourd'hui, les sortants de l'église catholique, il faut faire ça pour ta femme. Si tu ne fais pas, c'est que tu as semé déjà dans l'enfant, il va grandir. Oui, je suis catholique, ma maman était catholique, mon papa était catholique. Ça n'a rien, ça n'a même pas de sens devant Dieu. Parce que quand on va au ciel, il n'y a pas des endroits de catholiques. Et là, ça se trouve nulle part. Jésus est venu sur la terre, il n'avait pas une église qu'on dit que voici son nom. Il a dit mes disciples. Je vais vous montrer, celui qui met la main sur la chaleur, regarde, il ne peut pas être mes disciples. Pourquoi? Il dit que si vous êtes vraiment mes disciples, vous obéissez ma parole. Là, on est disciples du Seigneur Jésus. Point final. Mais on peut partir à l'église, mais on ne fait pas toutes ces choses-là. Il a dit, c'est sortez du milieu. Quitte ce milieu. C'est pas toi. Parce que sinon, tu vas toucher les choses. Il ne peut pas se marier maintenant, rester à la maison. Non, il a dit, sortez du milieu. De quand tu sors, tu es où? Quand tu sors de là-bas, tu es où? Je n'ai nulle part. Tu n'es nulle part. Il va t'accueillir. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que sur la maison, il te trouve, non? C'est simple. Obéissez à ce qu'il a dit, il est sorti du milieu de Dieu. Je pense qu'il y a une bulle. Bon, maintenant, tu vois effectivement que si tu vas là-bas, tu t'assois là-bas, connaissant la vérité, tu vas faire double désobéissance. Tu désobéis à Dieu parce que tu es là-bas. Tu désobéis à l'église parce que quand le prêtre dit, lèvons-nous, tu es censé t'élever. Récitons Marie, si tu ne récites pas, tu es en train de désobéir au prêtre en désobéissant à Dieu. Donc, même dans l'enfer des prêtres, quand vous voyez le prêtre va te taper, qu'il t'avait dit que tu lèves-toi. Tu n'es pas levé. Ah, ça, c'est terrible. C'est grave. Comment? Non, là, tu ne partais pas à l'église parce que Dieu a dit. Parce que c'est quand les gens ne partent pas chez les marabouts, il y a des gens qui disent que non, je ne peux pas chez les marabouts. Tu dis pourquoi? Il dit parce que les marabouts en mangent trop. Si c'est ça l'explication de pourquoi tu ne peux pas chez les marabouts, ça veut dire qu'un jour, quand un marabout va te dire ce qui est vrai, tu vas partir. Il faut que tu saches que tu ne pars pas parce que Dieu a interdit cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu ne peux pas passer à l'église à paresse. Tu veux la chercher le matin, il va faire comme ça, ah, ça dérange, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit sortez du milieu. Parce que même comme tu ne partais pas, tu étais quand même, tu te considérais comme catholique. Mais en n'étant pas là présent encore physiquement, ton esprit était là. Donc, tout simplement, C'est ce qu'il écrit. Jésus a dit, il y a une femme samaritaine qui a rencontré Jésus à côté de lui. Elle a commencé les discussions des catholiques et protestants. Mm-hmm. Elle a dit que vous, les juifs là, vous dites qu'il faut adorer Dieu. Le lieu, c'est à Jérusalem. Nous, nos pères, nous disent que c'est sur la montagne. Jésus a dit, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, ça veut dire, sur la montagne, tous les parents allaient adorer qui? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand ils partaient sur la montagne, ils étaient sûrs qu'ils adoraient Dieu. Jésus a dit qu'en réalité, le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs. Donc, en fait, les juifs ont raison parce que c'est à Jérusalem que Dieu a mis dans l'Ancien Testament que le temple doit être bâti, pas sur les montagnes de Samarie. N'est-ce pas? Puis Jésus dit, non, ok, il n'y a même pas de problème. Que ce soit sur la montagne de Samarie, que ce soit à Jérusalem, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc Dieu n'est pas en un lieu que tu vas dire qu'il m'en va à Jérusalem. Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés à son nom, je suis au milieu. Il a bien plus, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, n'est-ce pas? Donc dans la Bible ne vient nulle part la construction que Paul a dit que l'église de l'église de, ça se trouve nulle part, nulle part. Ça, c'est les inventions diaboliques humaines. Ça, ce sont les inventions diabolico-humaines. Donc, c'est une connivence et une complicité et une connivence entre Satan et ses agents. Ceux qui suivent Dieu suivent la parole. Jésus a dit que vous êtes vraiment mes disciples si vous obéissez, si vous mettez en pratique la parole. Vous voyez qu'il n'y a pas autre livre depuis qu'on a délié autre que la parole, non? C'est l'année liturgique du centenaire. La Bible ne te dépasse, on a écrit d'autres choses pour vous faire acheter. Vous allez chez le pentecôtiste, même chose. Le pasteur va écrire les choses sur oh, le mariage, comment avoir le mariage héritier pour avoir le mariage héritier. Regarde, lui, il est divorcé, il est marié. C'est la Bible. Dieu n'a pas donné deux choses sur la terre, il a donné la Bible. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Pour instruire. Donc, ça, c'est suffisant. Ma chère. Tu sors pas. Il n'est pas la qualité de sortir, tu as dit depuis que tu ne parles pas là. Parce que tu ne parles pas ton cœur là. Parce que si tu restes là, il y a Radio Vatican qui va Sainte-Marie, mais tu profites, tu récites un peu. Et tu dis dans ton cœur que tu vas comprendre que tu es fatigué. C'est pas ça. Hein? Il faut que ça sorte même jusqu'à ce que dans ton cœur, tu ne prononces jamais ces abominations contre Dieu. Vous voyez que je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que si je ne vous disais pas aujourd'hui, c'est lui qui doit me demander le compte. Parce qu'il a dit que nous sommes sur la terre pour dire ces choses pour empêcher les gens d'aller. Maintenant, s'il dit, vous n'écoutez pas. J'ai fait mon travail, vous n'avez pas écouté. Il a dit, vous avez vu, c'est tellement là-bas. Donc, à 35 ans, 45 ans, vous pensez que vous étiez chrétien, n'est-ce pas? Et même le premier rituel chrétien, le baptême, vous n'êtes pas encore baptisé. Lui, le premier. Jésus a dit, allez prêcher. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, depuis qu'il a dit ça, depuis nous, je n'ai jamais baptisé. Parce que les gens vous ont induit à l'erreur. L'église catholique est remplie du péché, d'erreur et des ténèbres. C'est contrôlé par Bélial et non par Christ, Jésus. Parce que l'église de Jésus est sainte. D'accord? L'église de Jésus est sainte. Tu remarques ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, l'église de Jésus, ce n'est pas une construction. Ce sont des êtres pour qui il est mort. C'est ça l'église. C'est pas l'église. L'église, c'est pas comme ça. L'église, c'est ça. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. Votre corps. Pas le lieu là et le temps du Saint-Esprit, votre corps. Donc, si on dit que si on s'assoit, que pour dire qui sont les chrétiens, vous allez lever les doigts. Jusqu'à. Bon, d'après vous, vous pensez que qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un suiveur de Christ, n'est-ce pas? Un disciple de Christ. Vous suivez sa discipline avec ce que vous avez vécu là. Donc, ça veut dire que si on dit qui est chrétien ici? Tu lèves le doigt. On dit, je veux dire, qui suit Christ ici? Je te vois encore le doigt. On dit non, qui suit la discipline de Christ? Le doigt maintenant est baissé. Ça se comprend mieux, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Alors, je veux qu'on me donne l'opportunité de travailler. Voilà le tatami qui vous attend, parce que tout à l'heure, ça va barder là-bas si vous y allez. Mais je me dis qu'il faut qu'on fasse attention à la manière dont on va. Vous avez vu tout ce qui s'est passé là-bas. Partout où j'enseigne, partout dans mon entier, il faut qu'il donne ces choses de façon droite pour que le jour me place devant le trône pour dire, tu as dit tes choses sur la terre, il dit, Père, tu avais dit. Il m'en défend, il servait sa parole. Parce qu'on dit que tout homme sera salé par le feu. C'est un peu, n'est-ce pas? Alors il faut que je vous dise, voilà la vérité que je vous ai dit telle que la Bible déclare. Et je ne suis pas allé faire la calomnie. Voici les documents catholiques. Il y en a plein là-bas. Il y a d'autres là-bas qui sont venus ici avec mes yeux. Attendez, je vous présente. Vous allez voir les choses ici. Vous-même, vous voyez. Il arrive. Si, si. Voilà le violon. On appelle ça quoi? Le sel. Ah, ça, c'est un catholique qui vient me laisser ça ici. Ça, c'est une ouinde. Une ouinde, vent de l'esprit. Communauté missionnaire des réveils. Wonderful. Voici la puissance de la résurrection. Wonderful. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas ce qui c'est ça. Avec son, il avait sa femme, avec son enfant. Ouais. Ils sont sous l'huile. Voilà, voilà des choses. Vous partez comme ça, vous allez vous acheter avec le sel. Au lieu de prendre le sel à la maison, vous ne pas la nourriture. Je ne sais pas comment c'est qu'on fait avec l'autre aussi. Voilà. Je l'ai ici. Pour que vous venez, il vous montre. C'est qu'on fait. Vous avez fait la prière, vous avez vu quelque chose d'autre en dehors de. Au nom de Jésus, vous avez comment de sortir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, voilà. Je laisse ça pour preuve. Il y en a plein là-bas. Il y a pour les témoins de Jéhovah, il y a pour les francs-maçons, il y en a deux. Voilà le Coran, c'est pour les, il y a pour les musulmans. Quand c'est les musulmans, ils sortent ce qui est vert là. Le Coran. Ah, c'est le Coran. Donc, elle parle avec les musulmans, c'est de quoi j'en ai parlé, parce que j'ai lu et étudié. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et plus du temps. J'ai lu et bien travaillé. Donc, elle m'assoit avec eux, ils savent de quoi elle est. Elle est question. J'ai lu chapitre après chapitre. Alors, jusqu'au dernier. En travaillant. D'accord? Voilà. Ah, c'est plus le témoin, je ne sais pas. Donc, personne n'est exempté. Si vous restez comme ça, vous ne cherchez pas ce qui est nécessaire pour vous, pour votre vie. Vous êtes seulement là pour faire comment on va faire pour vivre sur la terre et autre. La vie ne s'arrête pas ici. Et vous devez savoir cela. Il faut vous préparer. Vous naissez pour vous préparer à partir. Vous êtes venu ne sachant pas où vous venez. Vous partez, vous ne savez pas où vous venez. Au moins, la Bible nous a dit qu'il y a deux endroits. Préparez-vous ici sur la terre pour y aller. Donc, nous sommes là pour vous aider à aller quelque part. Si vous voulez aller en enfer, pour montrer le chemin simple pour aller en enfer. Pour aller en enfer, le plus simple du chemin, c'est de ne pas faire ce que vous avez écouté là. Cet instant, c'est sûr et certain que vous aurez une bonne cellule là-bas. Sûr et certain. Pour aller au paradis, il n'y a pas deux façons. Il suffit de comprendre et dire et croire ce qui est écrit là-bas et vivre tel, d'après elle. Vous irez certainement au paradis. Ce n'est pas compliqué du tout, les deux voies. Qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là-bas. N'est-ce pas ce qu'on a lu? C'est solennel, c'est définitif. Le plus grave, c'est que c'est Jésus qui raconte cette histoire. Donc, c'est une histoire vraie qui s'est passée sur la terre. Donc, il a dit comment les gens ont vécu, comment elle a été leur fin, et la suite dans l'autre côté lorsque personne ne voyait. Vous pouvez sortir ici, on ne sera pas. Vous mourrez. Les enfants, pour qui tu t'inquiètes, les maris, pour qui tu t'inquiètes là, tu ne seras pas là pendant qu'on a le fait. Peut-être même le jour du deuil là, c'est même ta couille, parce que là, c'est la dernière terre. Faut dire ouf, la force m'a toujours combattu. Enfin, mon ennemi est quitté. Là, on le pourra, quand tu seras là-bas, tu ne penseras plus à tes enfants, ni à ta succession. En fait, même la vie qu'on te donne, choisir même le mourir de ton habit sans te demander, pas vrai? Le type de cercueil, le lieu va t'enterrer. Si on t'aime beaucoup, on te coupe un bon costume. On dit qu'on t'a enterré bien, mais la réalité, c'est de l'autre côté. Préparez-vous à sortir de ce monde aussi. Préparez-vous à sortir de ce monde. La solution vous est donnée. Si vous croyez, vous vous repentez, on doit vous baptiser. On doit vous baptiser. C'est pas de, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous ne voulez pas être chrétien, vous voulez seulement les grâces de Dieu. Donc voici, en fait, la Bible vous montre clairement que vous n'êtes pas chrétien. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc sur cette fondamentale-là, pour être chrétien, repentez-vous et que chacun vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Si vous dites que par là, c'est trop dur pour Dieu, que de servir Dieu, là, trop dur, tout ce que vous avez entendu, il n'y a pas de problème. Jésus lui ne forçait pas les gens. Quand il prêchait, les gens le suivaient. Ceux qui suivaient, ils avançaient. Il leur donnait seulement l'ordre que vous êtes vraiment disciples si vous faites ce que j'ai dit. D'accord? Il ne forçait pas les gens à le suivre. Et même comme les gens ne le suivaient pas, ça ne l'empêche pas de multiplier et de leur donner une manche. Même s'ils insultaient par la suite, il le donnait. On est venu couper son oreille, il a pris l'oreille, il l'a remis. Même la personne qui venait l'arrêter, il a résolu le problème. Donc il résout le problème de tout le monde. Tu laves tes habits, oh, tu sèches des. Oh. Il ne dit pas que le type, si il est allé chez le marabout le plus jeune. Non, il sèche tes habits. Tu fais ton chant à côté du chant d'un chrétien. Oh. Il arrose. Il dit non, il ne veut pas dire, je vais arroser le chant de celui-là, c'est une sorcière. Il arrose tous les chants. Tu veux voyager, vous êtes dans un même avion, il y a les francs-maçons dedans, les sorciers, les musulmans, les chrétiens, ils protègent tout le monde. Les gens arrivent à bon port. D'autres tapent sa porte et disent que je ne peux pas prendre l'avion, faire l'accident. quelqu'un voyage, il pas faire la sorcellerie. Une femme qui est ici avec le mari de quelqu'un voyage à Kribi. D'autres font Asdaro, ils ne font pas Asdaro, ils protègent, ils ne pas péché, ils rentrent, ils continuent leur vie. Mais toutes ces choses vont les amener en jugement. C'est ça le problème. Après cela, quand les amener en jugement, ils vont te poser la question. La Bible avait dit, tu ne me connaîtras pas dans une terre. Tu ne peux pas te faire quoi dans la forme de Dieu. Ces jours-là, la bouche sera fermée. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il m'excuse de vous avoir dit ça. Hein? C'est bon à savoir, n'est-ce pas? Mais ça fait du bien un peu là, mais ça fait trop de mal aussi. N'est-ce pas? What shall we do now? La Bible a donné le verdict. Donc les gens qui venaient à Jésus pour les solutions, ils avaient donné une solution. Juste qu'ils n'étaient pas forcément assez. Donc si vous cherchez ces options-là, qu'on prie pour nous que notre solution soit là, on prie. Et puis vous voyez ce que vous avez fait avec Dieu, mais sachez que Jésus quand même dit comment on fait pour ne pas aller dans le lieu des riches. On fait quoi? On prie. Ou bien vous allez en train de réfléchir d'abord doucement, en faisant tout ce qu'il y a là comme nettoyage. On prie. On prie. Passez dans ta tatami. À tout à l'heure. Elle est pour moi, je vais observer. Tu vas d'abord observer. On prie d'abord pour elle. Tu vas observer pour moi. Ok, c'est bon. La prochaine fois. La prochaine fois, c'est la prochaine fois. Ok, bon. Donc, voyons ce qui va se passer là-bas. Tiens-toi, enlève-toi cette île-là, mon cher. Ça, c'est le tatami. Quand tu vas te tenir là-bas, c'est autre chose maintenant, d'accord? Ma soeur, tu as peur. Comment ton cœur fait pour ça? Il faut que tout soit rangé, non? Avant qu'on range sa vie. Ne crains pas, d'accord? Ne crains pas, tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence. On va prier pour que toute puissance qui règne dans ta vie, puissance des ténèbres qui règne dans ta vie, que ça sorte, ça te lâche. Parce que si ça te lâche, tu seras libre. Et là, tu pourras ouvrir maintenant les yeux, tu dis que, hé, catholique ou bien. On prie, d'accord? On va comment ta soeur le fait. Elle ouvre les yeux, elle dit que j'espère que ce ne sera pas grave, j'espère que ce ne sera pas grave, j'espère que ce sera pas grave. Que Dieu te bénisse aussi, d'accord? Ne crains pas. Ne crains pas. On va prier. Reste dans ton pied, d'accord? Reste dans ton pied. Donc, toi-même, tu vois que s'il y a quelque chose dans ton corps et dans ta vie qui ne va pas, il faut que le Seigneur enlève, n'est-ce pas? Parle-lui alors donc. Parle-lui. Que Dieu te bénisse. Tu tends la main, d'accord? Tu commandes. À toute puissance. Non, pas toi, Seigneur. Lui, il me donne les instructions. Prie, toute puissance. Tant la toucher. Toute puissance des ténèbres, de l'identité, de l'obscurité, je commande, au nom de Jésus pour la terre. Et je vais essayer de croire. Contre nous, il a éliminé en le pouvoir la croix. il a payé, tout est accompli. Délivrance, délivrance, Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Délivrance, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ mon libérateur. Oui. Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Jésus, le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame, il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus, ses courses de sas, qui accourt devant sa face, car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui ne sommeille. Il ensoleille tout mon corps, ah, et me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport, sans pareil son apport, sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Il ensoleille tout mon décor. Ah, et me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Sans pareil, son apport, sans pareil. Alors, alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous séparer. De lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Alors, alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne, personne, rien ne peut nous séparer. De lui, Jésus. Jésus. seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime. Quand près de moi on crie blasphème. Sa parole me renferme, sa parole. Quand devant l'épreuve je suis con. Quand devant l'épreuve je suis con. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe. Jésus me tombe sous mes amours. Personne, personne, rien.